Hey, Michael. Michael, l'émission sans interdit, tous les soirs 21h minuit, et quand tu veux, en podcast sur énergie.fr. Ouais, Tof, c'est la rentrée ce soir, hein, oublie pas. T'inquiète là, je bosse déjà. Ah, ok, ça marche. Écoute, je négocie les contrats, je dois les signer là, donc je te rappelle. Hein. Oh, dépêche-toi. Oui, tiens, prends mon gros stylo. Allô Sandro, la rentrée c'est ce soir, n'oublie pas. Hein. Ouais, pas de soucis. Ça va, pas trop pris de poids? Non. Bah allez, combien? Mais que dalle. Non, combien? 7 kilos. Putain, 7 kilos? Ouais, enfin c'est toujours moins que 8 kilos. Hein. Allô Jack, juste pour te prévenir, la rentrée c'est aujourd'hui. Hein. Ouais, bah je suis déjà là. Bah dis donc, t'es en avance? Non, je suis pas parti en vacances. Au moins c'est pratique, hein, t'avais pas besoin de te faire chier avec les vols, les réservations, tout ça. Ouais, c'est ça, tout à l'heure. Et au fait, les Mexicains ils sont au courant? Ouais, t'inquiète, là, ils sont à côté de moi, là, ils portent mes courses. Allô Roux, juste pour te prévenir que la rentrée c'est ce soir. Hein. Bien les vacances? C'est génial. J'ai fait une super affaire en dernière minute. C'est-à-dire? 100 euros. Aller-retour pour le Mexique. Ah bah oui, bah c'est normal, hein. C'est moins cher à cause de la grippe. Hein. Ouais mais t'inquiète, j'ai géré, j'avais une écharpe. 21h minuit. Du dimanche au vendredi. Michael. C'est Michael sur Énergie. Ah, bonsoir tout le monde. Putain, ça fait bizarre. Hein. Bonsoir. C'est bizarre de m'entendre, dis donc. Bon, bah, bienvenue à tous. C'est le moment de reprendre les bonnes vieilles habitudes. Bah, venez nous écouter. 5e saison, quand même, les gars. Ça fait plaisir. C'est un record, je crois. Oui, bah, non, parce qu'il y a des émissions qui durent depuis longtemps. On est sur Énergie le soir, oui. Là, je pense que nous avons ce record-là. Ouais, ouais, c'est tout, ouais. Bon, ça va, Jack? Bonnes vacances? Ouais, bonnes vacances. À part Urgence qui s'est terminée hier soir. C'est la dernière saison, pour le coup. Un drame, hein. Ah, je sais pas, en fait, j'ai pas regardé. Je sais pas, 15 ans, il paraît. Je sais que ça fait la 15e saison. Long quand même, hein, 15 ans. C'est vrai. Et on se plaint avec Lost, 7 ans, putain. Bon, comment va Tof, Roux, tout ça? Vous avez passé vacances ensemble? Oui, magnifique. Non. Non, c'est pas vrai, il ment. Il commence déjà à mentir. C'est la première minute d'émission, non. Il a pas entendu un seul mot, déjà il ment. J'ai pas dit que nous avons passé nos vacances ensemble. J'ai dit que j'avais passé de bonnes vacances. Ah ouais, d'accord, ok, très bien. Tof était à Lyon, il nous a fait rêver. Ouais, ah ouais, c'est clair. Comment va le stylisme? Le stylisme va très très bien, la collection hiver commence à prendre forme. Très bien. Nodegen.fr, bien sûr, la boutique est ouverte. Toujours, elle ne ferme jamais. Bien entendu. Bon, et le Roux, les vacances en pleine forme? Génial, en plus, bah, moi je suis là depuis le 3 août, hein, puisque la Ligue 1 a repris à ce moment-là. Ah, bah oui. Paris, 3ème du championnat, ça fait plaisir. Ouais, bah profite. Allez, hein. Paris. Profite bien. Ouais. Enfin bon, en tout cas, ça fait quand même bien plaisir de retrouver le micro, hein, qui est là, toujours le même, j'ai eu peur qu'on me l'ait changé. L'émission, bien évidemment, la radio, le studio d'ailleurs, hein, surtout le studio. Heureusement les murs n'ont pas bougé. De toute façon, s'il y avait eu une galère de murs, t'étais là pour gérer. Ça commence. Allez, c'est parti, les vannes communautaires. On aurait y pu va. Faire une super campagne de com comme le 6-9, tu sais. Et c'est toi à 21h minuit avec un porto. Avec un porto. Avec un porto, c'est ça, c'est drôle. N'importe quoi. Enfin ça dit, c'est bien que t'en parles. On souhaite aussi la bienvenue à Nikos et puis bon retour à toute l'équipe du 6-9 que vous retrouverez juste après l'émission. D'ailleurs j'ai envoyé un SMS à Nikos pour voir si ça s'est bien passé, pour voir si on pouvait l'appeler tout à l'heure. Bon, il me dit j'ai juste peur de m'endormir. Oh là là, je te jure. Alors mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème, on l'appelle tous les quarts d'heure. Hein. Ouais, on va essayer. Ouais, on va l'appeler tout à l'heure. Tiens, on va essayer de l'appeler. Ouais. Et je ne retiendrai d'ailleurs qu'un seul mot des vacances. Je commence demain. Je commence demain. Ah, c'est par rapport à Sandra, ouais. Ça. Ouais. Ah, le régime. Ah, mon régime. Le régime. C'est-à-dire qu'on a passé une partie des vacances avec Sandro, avec Roux, tout ça. Et à chaque fois, je voyais Sandro bouffer. Je dis, mais le régime. Non, mais je commence demain parce que tu sais, aujourd'hui, bon, il y avait ça. D'accord, ok. Et le lendemain, c'était la même chose. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais maintenant que j'ai croisé Nikos dans les couloirs en jean basket, ça m'a motivé. Ah bon, c'est un beau gosse en jean basket. Ah ouais, ça change tout, tu sais, on a tout le temps l'habitude de le voir en costard et tout. C'est bien parce que t'es en train de dire qu'il est moche en costard. Quoi. Non, pas du tout, mais t'es habitué tout, bon, tu vois, en costard tout le temps, quoi. Là quand tu le vois en jean basket, tu sais, des pompes blanches qui flashent. Je suis sûr qu'elle a demandé un autographe, cette idiote. T'es malade ou quoi? Nikos, je peux avoir une Non, non, c'est vrai. Enfin, moi, je veux pas médire, mais c'est vrai que je l'ai vu, Nikos, et que juste après, je t'ai vu toi, Mickaël, j'avais quand même l'impression d'être à Radio Méditerranée, quoi, un truc comme ça. Ouais, ah, mais si, quand même, vous êtes tous les deux bronzés et tout. C'est vrai. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux, on va pas se plaindre. Non, vous n'avez pas vous plaindre de travailler avec des beaux garçons. Avec pas un beau garçon. N'est-ce pas où? Ah oui, deux, oui, Nikos et moi. Suis, ouais. Ça fait deux, c'est vrai. Ouais. Oh, il y a un autre beau garçon aussi dans Secret Story, c'est Jonathan. Ouais, c'est ça. Je le trouve super mignon, voilà. Cela dit, on va en parler de Secret Story justement là. Ils étaient combien là, nombreux, hein, avant qu'on parte en vacances. Et ils le sont moins. Ouais, ils le sont un peu moins effectivement. Donc on fera un petit point sur ceux qui sont encore là. Comme Cindy par exemple. Mais je t'ai vu, j'avais les yeux ouverts quand je dormais. Voilà, ouais. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je t'ai vu, j'avais les yeux ouverts quand je dormais. C'est logique. Mais il y en a qui dorment avec les yeux ouverts, hein, mais bon. Bon, il s'est passé plein de choses pendant l'été. Léo qui s'est tapé avec FX aussi. Ouais, il avait mis une patate. Eh ouais, une grosse. Putain, taper FX quoi, je serais pas fier. Oh, ouais, oui, c'est comme te taper toi, hein, y a aucune sérieuse. Voilà. Ouais. Bon, il y a aussi eu le malaise là qu'Efix a fait pendant une soirée. En fait, il a pris un petit cocktail Tipon chez Xomil. Les deux, c'est mal passé apparemment. Mais en fait, c'est Léo qui a balancé ça en sortant. Apparemment, il prenait des médocs et tout, et il a mélangé avec l'alcool. Ouais, ça c'est mauvais. Du coup, ils ont ouais. dû appeler les pompiers et ça a bien fini. Ah bah encore heureux, ouais. Bon, et puis on parlera aussi de ce qui s'est passé plus récemment avec le piège tendu par la prod à Jonathan, et puis le prime de vendredi dernier, et puis surtout les embrouilles qu'il y a eu avec Jean-Claude Elfassi, le paparazzi là. Donc restez là pour ceux qui aiment Secret Story, hein. C'est pas le paparazzi, c'est l'ennemi public numéro 1. Oui, c'est ouais, ouais, voilà, ouais, c'est l'ennemi public c'est numéro 1. C'est le paparazzi en fait, quand de vous France allez, quand même. Quand vous allez chez TF1 en deux mots, il y a Wanted. Il y a sa tête. Il y a beaucoup d'argent, hein. Ah, tu m'étonnes. Ah bah ouais, ça je te confirme, ouais. Bon, je promets aussi donc que vous allez apprendre pas mal de choses. Donc si vous êtes fan de Secret Story, on en reparlera donc dans quelques minutes. Waouh, teasing. Eh oui, gros, ne bougez gros, pas. Oui, gros teasing, effectivement, ouais. Bon, et puis on parlera des vacances forcément, hein. On a lu pas mal d'histoires de ouf là, avec des touristes là qui ont voulu partir en Australie et qui se sont retrouvés à l'autre bout du monde. Il y a les vacances d'Obama aussi qui sont dans la presse. Oui, alors ça fait un scandale aux États-Unis. En parlant des États-Unis, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé avec Hillary Clinton. Quoi, Bill l'a trompé encore? Non mais non, ah, c'est pas plus belle la vie non plus. Non, c'est ça, voilà. Non, en fait, pendant qu'elle était en Afrique, on a voulu l'acheter. Contre des cigares. Non. On en parlera tout à l'heure, là, vous verrez. Et puis, au niveau cadeau aussi, parce qu'on est revenu pas les mains vides. Cadeau ce soir avec des PS3, le jeu Harry Potter qu'on met dedans, des jeux Killzone sur PS3. Ça, c'est ce qu'on avait pas filé la semaine, là, en mois de juin, ça. Killzone. Ouais, je crois que c'est du. Il en restait, je crois qu'il en restait 2-3 qui sont là. Ah, on peut me la faire à l'envers. Il y a des Home Cinéma aussi, des lecteurs MP3. Home Cinéma ? Oui, c'est ouf. Et des lecteurs MP3, des places de ciné, des parfums Britney Spears, et puis des places pour la Ligue 1. Ah voilà, ça a quand même une autre gueule qu'un Home Cinéma, des places pour la Ligue 1. C'est ça, oui, ouais, c'est un point de vue que tu dois être le seul à partager. Hein. Ouais. Ah non, un bon Serlion à la Baie des Champs, ouais. Ça vaut quand même mieux d'un James Bond en Dummy Surround. Non, je te jure que non, Roux. Ah, d'accord. Vous savez pas ce que c'est que la vie. Bon, c'est ça. On va parler du foot aussi tout à l'heure avec Saint-Etienne, entre autres. Ouais, Saint-Etienne qui va pas bien. Avant dernier du championnat, les supporters, ils ont déjà envahi le terrain. On est à la troisième journée. Hein. Ouais, mais enfin bon, il y a un moment. 200 personnes qui étaient sur le. Ah, quand même. 200 personnes sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour hurler et puis. C'était tellement chaud l'année dernière pour rester en Ligue 1 que si tu veux là. Ah, ouais, démarrer et finir au placard. Ça va être vraiment tendu. Les mecs, c'était les mecs de Saint-Etienne qui étaient sur la pelouse. Là, c'était les supporters. Les supporters qui sont descendus. Ils étaient élus supporters numéro 1. C'était les meilleurs supporters de France, quoi. C'est les meilleurs supporters, mais sur la pelouse. Bah, fini, il y a Alain Perrin aussi en conférence de presse qui a parlé d'une occasion que ses joueurs ont eu pendant le match. Et à l'écouter, quand il parle du bruit que le ballon a fait sur le poteau, on pourrait penser que le poteau est tout petit. Donc effectivement, les joueurs n'ont pas été récompensés par leurs efforts. Et puis, manque de réussite à l'image du poteau. Donc un premier tir au but qui fait tilt. Ah, ça fait bam. Ouais, le mec il a cru qu'il jouait au flipper, ça fait tilt. Ouais, ça fait tilt. Bon, bah, très bien. Et puis, la victoire de Paris. Eh ouais, la victoire de Paris, de l'OM. Ah bah non, pas l'OM. Ah bah non, ils ont fait un nul. Eh oui. Ouais, ça j'en parle. Et le roi est fier. Ah, il est content, mais c'est que la troisième journée, roi, je te rassure. Bon, au niveau de la Zig, je n'ai pas du tout fait attention à ce qu'il va y avoir, mais c'est pas grave. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai ramené le nouveau son dit All American Reject, qui est relativement bien foutu. Vous m'en direz des nouvelles, évidemment, tout à l'heure. On fera bien sûr le question pour une Le jeu des amis qui est là également. Et puis la petite surprise dont je vous avais parlé fin du mois de juin qu'on remettra tout à l'heure. Voilà, restez bien là. Il y a le 611-12, débutez le message par M-I-K-L qui fonctionne. Le 0870-42-48 avec Micha qui est là. Alors, ah oui, mais enfin bon, écoutez. Alors, c'est-à-dire je suis tout seul. J'ai déjà débordé là. Voilà, je mon pauvre Thierry. Et personne m'a expliqué le standard depuis l'année dernière. Ah, j'ai deux fois plus de travail parce que je suis tout seul. Voilà, deux fois moins de main, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, je comprends pas. Voilà, venez pas vous plaindre si ça foire, venez pas vous plaindre. Oui, bah on va pas se plaindre, t'inquiète pas. Bon, et puis les Mexicains qui sont pas loin. Dans le coin. Voilà, pas loin, exactement. Et le nouveau site. Oui. Ah, ça y est, c'est en ligne. Ouais, mikael.fm si vous voulez aller jeter un oeil. N'hésitez pas, Facebook, vous venez sur le fanbook. Il y a le Twitter qui marche également, bien évidemment. Voilà. Bon, qui me brief sur Secret Story là, parce que bon, allez, bonsoir Benjamin. Salut Benjamin. Parce que bon, déjà en temps normal, c'est vrai que je regarde pas forcément tout le temps, mais en plus là pendant les vacances, si vous voulez, j'ai rien capté qui est sorti. Bon, qui est rentré. Ouais, qui est rentré aussi. Qui est rentré, personne. Alors qui est sorti en fait. Saucisse est rentré, pardon, excuse-moi. Ouais. Ah oui, Saucisse, c'est le chien. Saucisse, c'est vrai. Ah bon? Il y a un chien. Ah bah, qui je l'ai raté celui-là. Oui, parce qu'il est ressorti quasiment aussi vite. Ah, c'était l'invité mystère de base. Voilà. D'accord, bon, alors. Bref, alors, donc qui est rentré qui est sorti. Qui est sorti, la dernière qui est sortie, c'est Maya. D'accord. J'ai envie de dire, mais ce qu'il a à la pauvre. Parce que la prod, ils lui ont fait la misère pendant qu'elle était dans la maison. C'est abusé. Et je me suis dit, franchement, s'il la sort, c'est pas bien. La et ils l'ont sorti. Moralement, ils l'ont défoncé, quoi. Pendant 3 jours, elle s'est fait passer pour une transsexuelle. Ah ouais, t'imagines la violence. Ce qui était énorme, c'est le mec qui allait la voir qui disait mais ouais, je le savais, hein, t'es prêt, t'es ton visage, ton corps, ouais, je le savais. T'as une gueule de transsexuel. Non, mais c'est vrai, tu vois, donc la meuf, elle a subi pendant une semaine quand elle a dû annoncer qu'en fait c'était pas vrai et tout, mais la meuf, elle s'est écroulée en pleurs et tout. Tu m'étonnes. Franchement, c'était violent. Ah ouais, c'est violent. Ouais. Et en plus, ils ont filé toute sa cagnotte, ils l'ont sucré, quoi. Et en plus, elle a été nominée d'office et elle s'est fait sortir. Ouais, en fait, elle a été nominée avec Jonathan, comme quoi ils se seraient échangé leurs secrets. Ouais. Révéler leur secret, c'est un peu chelou aussi quoi. Non mais c'est des bâtards, tu sais, la meuf s'était passée pendant 4 jours pour une trans, tu sais quoi, on va te prendre ta cagnotte et tu vas être nominé. On va t'en prendre plein la gueule pendant une semaine et pour finir bah tu vas sortir parce que tu sers à rien dans la maison. Voilà, bah non, tu nous as servi mais après tu dégages. Et t'oublieras pas aussi de faire pleurer les chaumières avec ton histoire sur le tsunami là. c'est horrible clair, la pauvre. Bon et bon, heureusement finalement on vient d'apprendre qu'elle se marie. Ah bon? Donc avec son Roger Canadien qui est venu la chercher de Vancouver. C'est un Canadien. Je sais pas si ça s'appelle, genre il s'appelle Roger, mais il est venu de Vancouver, ça je sais, ça fait chier quand même d'être Canadien et de s'appeler Roger quoi. Oh mais là-bas c'est Roger. Ouais, parce que c'est anglais hein. Bah ça dépend quel quartier il y a pas anglais, mais Vancouver ouais c'est ouais, anglais il effectivement. Français, il devait faire la trad et tout. D'accord. Bon alors quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Alors avant Maya, c'est Élise, la femme de Didier, qui était sortie. Ouais. Ah oui, mais là c'est un coup de pute de FX qui a monté la tête à tout le monde pour la sortir, je crois. Oh, trop classe ce FX quand même. Ah non, mais c'est vraiment une petite pute celle-là. Mais non. Non, mais en parlant d'FX, justement, c'est sa mère qui était sur le Prime la semaine chaud, dernière. Aussi, ouais. Franchement, j'ai eu mal au cœur. Pareil, tu vois, ça se fait pas. La mère, elle a rien demandé, quoi. Ouais, bah, et tu sais, son fils, il lui fout la honte devant la France entière parce qu'il est insupportable, il parle trop mal. Mais elle a pas arrêté de lui dire, hein, soit humble. Bah la pauvre, heureusement, ouais, qu'elle lui a dit parce que c'est la honte quoi. Elle est en train de pleurer. Et elle est en train de chialer et tout parce que en plus elle a pas de contact avec lui et à la prod ils sont malins. Et oui, tu vas avoir un contact avec ton fils mais ce sera devant la France entière sur le Prime. Et ce sera filmé. Quelle bande d'enfoirés quand même. Bon bref. Et le pire c'est qu'il lui dit sois humble et tout et il lui dit non mais sinon ça va. Oui, en chialant, mais sois humble. Le mec, vas-y, retourne dans ta casse-bas pendant un mois, tu vas voir qu'on n'avait pas de bien. Il lui dit ça, mais ça va la famille, papa, tout ça. Enfin, il disait ça à demi-mot parce qu'il a des histoires de famille, ouais, un peu bizarre. Ah, en plus, et, merde. Et elle qui chiale encore plus quand elle lui dit ça. Oui, tout va bien. C'est le mec, il a dit. C'est la mort, quoi. En plus, elle lui dit, je peux pas t'en parler. Ouais. C'est un coup de stress direct. C'est pas mal. Sinon, il y avait Romain qui était sorti aussi après avoir demandé Angie en mariage. Oui, alors, c'est quoi cette histoire? Ça, j'y crois pas. Ah, le plus beau, c'était quand il lui demande en mariage et que derrière, ils ont allumé le feu d'artifice en chœur derrière. Oh, ah, c'est vrai? Oui. Non, c'était de la merde. Oh, et ringardise. Mais le problème, c'est qu'on a trop vu ce genre de choses, quoi. Ah, surtout Ken et Barbie. Quoi. C'est malheureusement à cause de ça, comme on a trop vu ce genre de choses, que pour le coup, qui font des trucs atroces. Ringard, ouais. Mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. Et puis sinon, il faut pas oublier mon ami Léo qui est sorti. Ah, bah oui, bien sûr, Léo. Ouais, bah Léo, c'est celui qui était sorti après un vote de tous les candidats, en fait, parce qu'il s'était carrément tapé sur la tronche avec FX. Ouais, c'est vrai. En tout cas, ça bouge cette année. Hein. Ouais, grave. Putain, il s'est passé des grosses, ça c'est clair. Ça, ah, enfin bref. Bon, et Fnody FX qui se bat, effectivement. J'aurais aussi voulu voir ça comme, comme ah, le c'était, robot. C'était trop drôle. Bon, alors il s'est passé. Il s'est pas. Merde, je recommence. Je recommence au début. Comme je vous avais dit, j'ai pas trop suivi Secret Story, donc forcément, je m'embrouille un petit peu. T'inquiète, on est là. Moi, j'ai suivi à fond. Ouais. T'inquiète, on est là. Le, ouais, voilà. Le pire, parce qu'il faut le dire, Sandro, allez, en vacances à l'autre bout du monde et sur internet pour regarder les vidéos. Ah, pour le coup, j'avais pas suivi avant les vacances et j'ai suivi pendant les vacances. Mais c'était la partie la plus trash. C'est la semaine où j'étais avec la plus trash, ouais. C'est vrai, c'est... oui, oui, en plus. Mais enfin, bon, bref. Je m'ennuyais, quoi. Bon, alors, il s'est pas passé que ça, cela dit. J'ai vu sur internet aussi, il y a eu 2-3 affaires un peu chelou, non? Ouais, il y a eu des trucs bizarres quand même. Bah, oui, il y a FX qui a été victime d'un malaise, comme on disait tout à l'heure. Donc, ils ont dû appeler les pompiers et tout. Mais faut savoir qu'il prend des antidépresseurs pour dépression. Là, il va finir comme Michael Jackson, lui. C'est mieux, hein. Parce que des antidépresseurs pour un rhume, ça te casse en deux. Du coup, le mec, il a teasé comme un malade, il a fait un malaise. Voilà, ils ont appelé les pompiers. Mais tu sais, tu mélanges pas des tout ce qui est comment s'appelle, somnifère. Ouais, mais ça s'appelle médicament pour la tête là, l'aspirine antalgique. Ouais, enfin je sais plus, mais ces médicaments là faut pas les mélanger avec l'alcool, quoi. C'est bien, mais comment c'est pas lesquels, les gens vont plus rien mélanger. Mais non mais aspirine, de toute façon à partir du moment où tu prends un médicament normalement faut pas boire d'alcool. Ouais, une aspirine dans du whisky paraît que c'est pas terrible. C'est vrai. Bon, enfin cela dit, moi je parlais aussi des délires de la prod là. Je vois partout qu'on dit la prod de Secret Story va trop loin, blablabla. Ouais, non mais en fait ça c'est surtout dans les missions secrètes là qui vont trop loin. Ah d'accord, ok, très bien. En fait c'est la voix qui prend un candidat et qui le force à réaliser une mission un peu crade, quoi, c'est ça? Voilà, c'est un peu ça, ouais. Ici la voix. Ah, bonsoir. Voici votre nouvelle mission. Oui. Ta mère a été victime d'un grave accident. Nous te recontacterons plus tard pour t'annoncer si elle va bien ou si elle est décédée. C'est tout pour le moment. Ah oui, donc ils les mettent dans les conditions. Voilà, c'est exactement ce délire-là. Ah ouais, bah on est bien là. Non, ils vont pas trop loin du tout. Hein. Non. Cette année, ils vont vraiment super loin, je trouve. Moi qui regardais les autres émissions, enfin les autres saisons. Franchement, quand tu regardes, des fois, t'es mal. Hein. Non, deux, c'est la troisième. Il y a eu, ah oui, merde, il y en a eu deux, ouais. Ouais, il y en a eu. Non, je sais plus maintenant. Si, c'est la troisième. On a fait deux fois Secret Saint-Denis. Mais tu sais que, au final, ça c'est pour rigoler, mais ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin de ce genre de mission, hein, la prod en ce moment. Ah oui, bah je confirme, effectivement. Bah, par exemple, ils ont fait croire à Emily que Vanessa, elle était amoureuse de Léo. Ouais. Il faut savoir que c'est ce qui leur est arrivé dans la vraie vie, en fait. C'est les pires ennemis, les deux. C'est vraiment un coup de chien. Il y a des lieux, c'est abusé, quoi. Ils ont fait croire à Jonathan que Cindy était amoureuse de lui. Et en fait, Jonathan, il a complètement cru. Il est à fond, lui. Il disait, ah ouais, mais attends, je comprends pas, la meuf est amoureuse de moi, je vois pas le délire. Et sinon, il y a aussi Sabrina qui a dû faire croire qu'elle se foutait de la gueule d'Emily depuis le début. Alors, juste pour le coup, Emily et Sabrina, c'était les meilleurs amis dans le jeu. Et parce qu'en fait, tout ça est surtout axé contre Emily et Jonathan pendant qu'ils étaient juste à deux dans une pièce secrète. Sauf que ça, c'était la prod qui était plus maligne que les autres. Tous les autres habitants savaient qu'ils étaient vus. Mais et le pire dans tout ça, c'est que maintenant, même Castaldi, il en peut plus. Et il commence à être choqué de tout ce qui se passe. Bah, il y a de quoi, hein, franchement. Bah, en même temps, c'est normal, hein, c'est-à-dire, hein, cela dit. Mais cela dit, j'ai vu aussi, j'ai noté ce qu'il avait dit. Alors, on affiche clairement la manipulation, on influence considérablement le scénario du programme. Et du coup, pour la première fois depuis le lancement de la télé-réalité en France, on est plus fort que les candidats. Ils pensaient connaître tous les rouages de l'émission. On leur prouve qu'on a encore de la ressource. C'est dangereux de les mettre face à eux-mêmes. Parfois, je suis mal à l'aise. Les conséquences peuvent être violentes. Mais au moins, ils l'avouent, quoi. Ouais, ouais. Et alors, attends, parce qu'on n'est pas encore tout au final là. Quant au niveau de l'émission et à la vulgarité qui lui est souvent reprochée, Benjamin Castaldi estime que Secret Story est, je cite, le degré zéro de la télévision et que, je recite, ça ne vole pas. Pas toujours très haut, voilà. Alors si même Castaldi défonce l'émission, là, c'est que ça va vraiment puer très fort. Hein. Ici la voix. Ah, bonsoir encore. Comme tu pouvais l'imaginer, ta mère est bien décédée. Oh, si tu veux assister à ses obsèques, tu devras réussir la mission suivante. Depuis le jour de son décès, ta maman a pu observer tous tes faits et gestes, car sa tête inerte a été déposée dans la pièce secrète. Mais c'est sans compter sur le côté joueur de la voix. En effet, le reste de son corps est éparpillé dans la maison des secrets. Si tu parviens à retrouver tous ses membres, tu pourras enterrer ta mère dignement. Si tu échoues, tu seras nominé d'office pour la semaine prochaine. Bon, j'avoue qu'ils sont un peu chiens au niveau de la prod quand même. C'est vrai. C'est pour ça que la question, la prod va-t-elle encore aller plus loin? Franchement, ils peuvent pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ils peuvent pas aller plus loin que ce qu'ils ont fait. Ils peuvent. Non, mais ils vont se faire à un moment. Ils vont peut-être se faire avoir. Ouais. Mais c'est bizarre que le CSA est pas. Ah, mais ils sont venus déjà. Ils ont envoyé quelques petits courriers déjà. Ah ouais. Ah oui. Mais ils les reçoivent pas apparemment les courriers d'ailleurs. On pourra en parler avec Jean-Claude Elfès. Il a plein d'infos là-dessus. C'est vrai. Mais TF1, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Qu'est-ce que. C'est sur le plateau en plus. Les candidats balancent. Enfin, les proches des candidats qui sont sur le plateau, ils disent oui, mais on envoie des courriers, ils les reçoivent pas. Ah ouais, ça je te confirme. Mais c'est vrai qu'ils l'ont balancé sur le plateau. C'est vrai. Deux fois. En plus c'est tellement une ode à la langue française, hein. Il parle tellement bien dans cette émission. Oui, enfin, on va pas se permettre de parler. Pour revenir au courrier, c'est encore la poste. Parce qu'on va parler de Secret Story, non, c'est vrai. Parce qu'on parlait de la poste. Est-ce que vous avez envoyé vos colis cette année pendant les vacances? Est-ce que c'est arrivé? Non, sérieusement, si effectivement vous trouvez que ça va trop loin ou pas assez loin, venez nous en parler pour qu'on puisse savoir un petit peu tout simplement. Donc 611-12, débutez le message par M-I-K-L, donc avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Là où je trouve qu'ils sont allés très loin, c'est quand Jonathan a cru ce que la prod lui disait, c'est-à-dire que Cindy avait été admise à l'Académie française. Là, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Oui, enfin, son secret, c'est bien qu'il a le QI d'Einstein. Hein. C'est vrai raté, aussi. Hein. Ça, je te confirme. Ah bah oui, le jeu des amis. Ça te fait plaisir, on dirait. Bah oui, non, mais je suis content, mais ça fait longtemps. Hein. Attends, Jennifer qui est là. Allô, Jennifer. Oui, bonjour. Allô, comment ça va, Jennifer? Ça va très bien. Bon, bah tant mieux, alors, écoute. Bon, bah... impeccable. Alors, je sais que ça fait un moment que vous l'attendiez, là, le grand retour de Tex, évidemment. Salut Tex. Bon les gars, ça va quand même. Pour vous, bon, le travail, ça va bien. Bah oui, ça va. Et toi, comment ça va, Tex? Tranquille. Bon bah très bien. Bon bah juste avant de jouer au jeu des amis, donc avec Jennifer, t'attends un petit peu, Jenny? Ouais, y'a pas de soucis, hein. Bon, je voulais revenir sur votre concurrent, Tex, là, Jean-Luc Reichmann, là, qui n'en finit pas de faire parler de lui, hein, truc de fou. J'ai quand jamais même compris le choix de TF1 pour Jean-Luc Reichmann. Bah, pourquoi? Je sais pas, je trouve que ça va pas avec les autres animateurs, je trouve que ça fait tâche. C'est nul. Tu alors, sors. Celle-là, elle est pourrie. Franchement, tu sors. Tu vois, celle-là, c'est de la merde. T'es c'est bon. C'est des trucs comme ça. Voilà. C'est-à-dire que tu défonces Jack pour ses étoiles, oui, mais et en Tokyo Hotel. Si vous m'aviez laissé finir ma phrase à propos de Jack, je voulais dire que j'en avais qui arrivait dans pas longtemps. Ah ouais, c'est ça. Bon, donc en tout cas, cette fois-ci, c'est pas lui qui fait tâche là sur TF1, mais une des candidates d'Attention à la Marche, en fait. Elle raconte ses vacances, les spécialités culinaires qu'elle a découvert à l'étranger, et elle a testé un truc assez spécial. Hein. Moi j'ai goûté le hamster là au Pérou. Le hamster ? Le cochon d'Inde. Ah non, c'est le cochon d'Inde, mais c'est pas bien. Non mais ça n'a rien à voir, surtout ne mettez pas en broche vos cochons d'Inde, hein. c'est pas le message. Mais non, mais ce sont des élevages de cochons d'Inde qui s'appellent, pardon Jean-Luc, les couilles. Qu'est-ce que c'est ? J'ai mangé une brochette de couilles. Non. Mais non, c'est pas possible. Mais faisons un défi. Ah bah oui. Ils savent plus quoi inventer en fait pour dire des gros mots, mais sans les dire. Maintenant ils sont obligés de les cacher dans des phrases bateaux. Oui, voilà. Tu sais, c'est pas con ça, hein, quand la direction nous prendra la tête, bah, pour qu'on soit moins vulgaire, on a qu'à faire pareil. Par exemple, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, là, je trouverais super jolie la chatte de Sandro. Ouais. C'était très classe en plus. Ouais, ouais. Et puis en plus, elle était douce. Ouais. Mais un peu farouche, hein. Chaque fois que j'essayais de la caresser, elle hérissait ses poils. Ouais. Et puis sinon, on pourrait faire aussi. Moi, j'adorais quand elle jouait avec sa queue. C'était trop drôle. Elle se tortillait dans tous les sens en essayant de s'attraper avec sa bouche et s'excitait toute seule. Ouais, enfin, c'est fini tout ça. Maintenant, elle a repris sa liberté. Bon, c'est bon, on a compris. C'est ok, je suis con. J'aurais dû me douter que vous laissez faire un truc comme ça, ça partirait comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Et toi qui en parlais tout le temps l'année dernière, maintenant on n'a plus le droit de parler de ma chatte. C'est ça. Bon allez, c'est parti pour le jeu des amis, donc avec notre amie Jennifer qui est là, la première de cette saison. Comment ça va, Jenny? Donc, ça va très bien. Bon, tant mieux. Je rappelle les règles, un auditeur, trois amis, 10 questions et un cadeau à la clé. Ah ouais, c'est okay. Pas mal. Règle, hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais, finalement, je me suis dit qu'il valait mieux, je sais pas, écoutez, enfin, vous comprendrez plus facilement dans un instant. Rassurez-vous, il y a juste la différence, avant il y avait 5 amis, maintenant plus que 3. Ça change radicalement. C'est juste pour Micha. Mais oui, mais il faut que j'appelle 5 personnes. Alors, si j'en appelle plus que 3, je gagne du temps, n'est-ce pas? Et parce que c'est juste pour ça qu'il y en a moins. Hein. Je sais. Ah non, mais c'est une feignasse, hein. C'est un truc de malade. Hein. C'est-à-dire qu'on s'est dit après les vacances, il va être en forme. Non, c'est pire. Attends, mais surtout qu'il t'en a mis 3, mais à compter du candidat. Ah oui, et il en manque un. Ah, il en a mis que 2. Ah bah ça va, tranquille. Ah bah oui, mais enfin bon. Ah bah oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, hein. Non. Mais change les règles. Mais... ouais, alors ça ne fera plus le jeu des amis, ça fait chier. Voilà. Ça se rappellera le jeu de Micha, je décide de faire comme je veux. Bon, alors Jennifer, du coup, on va, bah, grâce à Micha qui vient de changer la règle, donc tu as droit entre deux amis. C'est à bientôt, on va appeler un numéro. Ouais, t'as au hasard. Pas vu ton pote, on l'appelle. Voilà. Bon, donc c'est Catherine ou Aurélie. Voilà, c'est ou mes la copines. Ligne 9, 10 ou 11 qui est vide. Mais je peux faire un numéro au hasard. J'espère que les deux vont répondre. Ah ouais, je te confirme. Des deux. On appelle quelqu'un au hasard. S'il répond bien aux questions sur toi, tu as gagné. Bon, tu veux qu'on appelle laquelle, Catherine ou Aurélie? Catherine. Allez, on appelle Aurélie. Ah, ça faisait longtemps, dis donc. Ouais, bah ça fait un mois et demi. Ouais. Bah ça faisait longtemps. Ouais, c'est vrai. Sur 5, on a 3 vieilles vannes. Hein. Oui, chacun là pour l'instant. Pourquoi? Il manque Sandro et Toff. Ouais. Ah, moi j'ai rien dit encore. On s'est entraîné tous les deux à faire des bonnes vannes. Allô Aurélie. Oui. Bonsoir Aurélie, c'est Mickaël. Bonsoir. T'es en direct à la radio sur Énergie, ça va bien? Oui, ça va. Bon, je t'appelle avec Jennifer pour le jeu des amis. Je vais te poser 10 questions à son sujet. Si tu réponds correctement à au moins 6 sur 10, c'est gagné pour vous deux. Un cadeau chacun. D'accord. Bon, je vais te poser la question. Tu as une minute pour répondre, bien entendu. Tu dois répondre du tac au tac. Si tu sais pas, tu passes. Et puis voilà, hein, c'est aussi simple que ça. Si tu sais pas, tu passes, c'est considéré comme une mauvaise réponse. Et voilà, rappelez-moi si j'ai merdé dans les règles. Hein, parce que... Bah non, parce qu'on serait pas capable aussi, de... D'accord, ok. De bon, te dire. On y va, Aurélie. T'es prête? Oui, je suis prête. Attention. Top. Quelle est son insulte préférée? Ta gueule, c'est le verbe. Attends, Jennifer, c'est ta gueule ton insulte préférée? Ouais, ta gueule, c'est dit tout le temps. D'accord. Nickel, je crois que tu. C'est la tienne aussi. Si. Ah lui c'est pas une insulte, c'est une virgule. C'est quand j'aime bien les gens. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est une manière de ponctuer ses phrases. Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, nous tu nous adores alors. Oui, je vous aime beaucoup. Bon, Jennifer, ça deux secondes. Bon, on continue Aurélie. Allez, oui. Deuxième question maintenant. Si tu devais te faire si elle devait se faire un nouveau tatouage, qu'est-ce qu'elle ferait et où? Je crois que c'est un soleil au milieu du dos, oui. Oui, alors effectivement, oui, attends, on fait une petite pause de seconde. Parce que là, c'est bien un regard quand même. Alors, hein, donc, la réponse donnée, c'est un tribal en forme de soleil au milieu du dos. On l'a fait en On peut accepter, c'est le même. Alors, Jennifer, avec ton accent du Nord, là, hein. Oui, on va pas laisser passer ça. On avait accepté, mais on comprenait pas pourquoi. Ouais. Bon, pourquoi ce dessin? Voilà, pourquoi? Bah parce que j'aime bien, c'est beau. Messieurs, dames, on est sur un très gros dossier. D'accord. Quelle horreur, le soleil. Non, mais pourquoi pas de faire peur à ton mec en levrette quand même. En plus, le soleil tribal, c'est genre le vieux logo qu'il y a sur les maisons de campagne qui font de la restauration en Méditerranée. C'est vrai. Spécialité du sud. Bon, allez, on continue si vous avez passé la nuit. On recommence, on continue. Aurélie, pour l'instant, c'est une bonne réponse et une mauvaise. Allez, on y va. Si elle était un animal, elle serait quoi? Un chien. Oui, une chienne, hein, parce que techniquement c'est une chienne. Bah oui. Bon, s'il était une position imaginaire du Kama Sutra, laquelle elle serait? Imaginaire. Je sais pas. Eh oui, alors par contre, je vais faire une pause encore, je sais que j'avais dit qu'il fallait aller plus vite, mais la branlée de Suisse. c'est très lent en fait. C'est quoi, Jennifer? C'est avec des plus grandes montagnes qu'en Espagne. Ouais. Bah, je sais pas. Non, mais ça consiste en quoi? Bah je sais pas si on va demander une police. Parce que Toff est déjà sur le site d'Air France pour réserver son billet pour Genève, mais bon, il sait pas encore ce que c'est au juste. J'aimerais bien tester, pensais, moi. Je pensais branlette espagnole, mais c'est déjà pris, donc bah branlette suisse. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que la question est de personne pour le coup. Non, parce qu'à mon avis, le jour où quelqu'un trouve la réponse, je pense qu'il peut gagner un voyage. Non mais je crois que bon, en même temps, enfin le fait, on peut le faire. La branlette espagnole, donc c'est un truc relativement, c'est entre les 5, mais ça peut être rapide. Et la branlette suisse, à mon avis, je crois que c'est un truc qui doit aller tout entre deux tranches démentales. Entre deux montres. Dans le trou du fromage. Ou alors c'est quelque chose. Entre deux montres. Oui, entre deux montres. Quelque chose de très illégal, mais ça devient la branlette du petit suisse. Oui, non, à ce moment-là, non. Bon, allez, continuons donc. Hein, pour l'instant, c'est deux mauvaises, deux bonnes. Bon, continue alors, Aurélie, c'est parti. Hein. Alors, attends, je regarde. Si elle était un chien, comment est-ce qu'elle s'appellerait? Une chienne. Hein. Chanel, oui, bonne réponse. Oh. Comment elle sait? Ça veut dire qu'une fois... Attends, tu peux mettre stop. Ah oui, mais enfin, on va pas mettre stop pendant 10 ans. Ça veut dire qu'une fois, imagine la conversation. Elles se sont dit, putain, moi, si j'étais un chien, je m'appellerais comment? Ouais. Ah bah moi, ce serait Chanel. Attends. Si t'étais une chatte, tu t'appellerais comment? Une chatte? Maya. Voilà. Bah donc, on t'es aussi posé la question. Voilà. C'est aussi simple que ça. Allez, on recommence. Enfin, on continue. Micha, mais c'est pas possible d'écrire des questions comme ça. Mais oui, mais enfin bon, vous me demandez d'écrire des questions. Les questions tu te passent pas. Tu préfères avoir une cervelle de moineau ou un bec de lièvre? Je vous ai fait en rentrant de boîte. Bon, Aurélie. Oui. Tu préfères avoir elle, une cervelle, enfin elle en l'occurrence. Une cervelle de moineau. Une cervelle de moineau, oui, c'est une bonne réponse. Attention. Donc en gros, elle préfère être bête que moche. Hein. Non, non, mais j'ai des questions. Bah franchement, même moi, toi, je tu les assumes aussi, pas, Mike, c'est ça? Si, si. Ah, si. Oh là là. Attends. Aurélie. On va mettre oui. Donc elle a répondu à cette question. Elle a répondu à cette question. Il faut que tu donnes la même réponse. Mais où est donc Ornica? Ah non. C'est vraiment honteux sur ça. Aurélie, qu'a-t-elle répondu à ton avis? Dans ton cul. Je sais pas. Non, bah oui, elle ne sait pas, effectivement, c'est une bonne réponse. Ah, hein. fort. Non, elle a dit je sais pas, mais je vais considérer que c'est une bonne réponse. Hein. Bon, qui gagne si une mouche se bat contre une guêpe? C'est vérifié ça par contre. Non, bah, non je sais pas. Bah la guêpe non, ouais. En fait, hein, tout simplement. C'est simple que ça. Et pour le coup, on a vraiment vérifié tout l'été. Ouais, c'est vrai, c'est très très long, on s'est mis à 10, ça a pris un mois, mais ça a marché. Bon, alors quelle est sa pizza préférée? Oh là là. La carbonara, il me semble. La pizza carbonara. Mais je sais pas, j'en sais rien. C'est effectivement une bonne réponse, mais par contre, alors c'est quoi la Jennifer, la pizza carbonara? Eh, c'était d'accord. Bah la pizza ça. Carbo, vous connaissez pas. La pizza carbo. Ah, mais oui, c'est bien les Parisiens ça. Nous dans le Nord, on en mange de la carbo. Ah, non, non. Ça, tu prends Jennifer. La pâte à pizza et après tu me la pâte carbonara partout. Jennifer, oui. on connaît les pâtes à la carbonara, mais la pizza. Les pizzas à la carbo dans le Nord, ils le font. Ah ouais. Mais dans et le c'est Nord, ma pizza en Belgique, il y a les pizzas à la carbonade. Non, la carbonara. Ah ouais, d'accord, ok. Et bon, bah, écoute, félicitations pas, hein. Alors. Avec les lardons et la sauce blanche. D'accord, ok, très bien. Et la sauce blanche, tu l'as fait en Suisse. Une pizza burger, ça existe chez vous? Oui, ça par contre, ça existe. Ah non, c'était quoi qu'on avait fait le burger là? C'était un burger, c'était le plus grand burger du monde. Ah oui, donc rien à voir. Non. Je n'ai rien dit, autant non, pour c'était moi. C'était le burger. Bon, du coup, je sais plus où on en est avec le... Bon, en tout cas, je sais où on en est avec les points. Ça fait 6 bonnes réponses. Ah, tout juste. Et 3 mauvaises. Bon, on a un peu explosé le timing, mais enfin, c'est pas dramatique en soi. Hein. Par contre, les questions bizarres. Tu es une fille bizarre, Jennifer. Ah ouais, non, mais là, franchement... Ah oui, et tu as des réponses bizarres. Ah oui, mais là, franchement... Eh, c'est pas de ma pote, c'est Micha qui m'a dit. Parce que c'est la plus belle du jeu. Ah oui, non, mais... Micha. Mais oui, Ornica. Mais qu'est-ce que vous avez fait, Micha? Mais oui, il m'a mis mal à l'aise hein, quand il me posait ses questions. Hein. Pourquoi il a fait comment? Il a fait... Est-ce qu'il a fait son tof? Ah non, il est posé normalement, mais voilà. Bon, pour répondre sur des trucs comme ça, quoi. Oh, quoi? D'accord. C'est des questions logiques, hein. Ouais, bah écoute, pourquoi pas, hein. Y a pas de malaise, hein. Bon, bah je crois que c'est la guêpe. Ouais, bah c'est ça, ouais. T'as un message qui dit c'est la branlette espagnole, mais en Suisse. Ouais, bah pourquoi l'appeler comme ça, alors? Oui, c'est pas une branlette de réfugiés. Bah parce qu'il fallait donner une réponse, je pense. Je sais pas. Enfin bon, c'est l'SMS qui est arrivé au 612 en débutant par Mickaël. Bon, bah Jennifer et Aurélie, c'est gagné pour vous deux. On va vous filer, vous filer des cadeaux. Vous allez voir avec Princesse Michel ce qu'il y a. Oui, c'est gagné. Tex, il est content, ça fait longtemps qu'il avait plus dit ça. Ouais. Vous allez gérer au standard avec Micha, d'accord? D'accord. Salut à vous deux, gros bisous. Salut. Ciao, bye bye. Salut. Bye bye. Bon, et puis retour. J'allais dire du question pour une réponse et ça fait un an que je me trompe tout le temps. Les amis, retour des amis demain si vous voulez vous inscrire, amical.fm ou 612 en débutant par amical et puis vous mettez ami. Bon et Laurent éternue donc. Oui, pardon. Moi je l'ai entendu dire enculé. Ouais mais peut-être qu'il éternue en disant enculé aussi hein. J'imagine le mec a un toc de ouf. Il pourrait le roux hein. Il a des trucs bizarres comme ça. Gilles de la Tourette. Moi j'avais plus entendu Mathieu enculé. C'est vrai. Oui, wow. Ah mais ça c'est le roux alors. Ça c'est off mais confirme. Bien sûr. D'accord, ok. Il a rien d'autre écouté, il dit bien sûr. Bon, j'ai dit qu'on parlera des vacances tout à l'heure. Faites attention aussi au niveau des vacances. Faites pas comme l'euro quand vous mettez de la crème auto-bronzante. Le soleil, pardon. Oh là là. Avec la crème auto-bronzante, ça peut faire un carnage. Hein. Surtout, mettez-en partout sur le corps parce qu'il avait laissé une ligne en dessous de son bras qui allait de son maillot jusque ses aisselles et en fait il y avait une trace de coup de soleil qui s'est transformée ensuite en trace de bronzage puisqu'il a mis de la 50 donc il n'a pas bronzé. Mais en fait, c'est un style maillot de foot. Mais moche alors. Hein. Ouais, c'est vrai que c'était pas beau. Peut-être t'aurais dû faire comme le PSG, laisser des poids. Ah non, quelle horreur. Des poids de coups de soleil. Il y a un mec en fait, il s'est endormi sur la plage, j'ai vu la photo, et derrière c'est ses potes qui l'ont mis de la crème solaire, mais en forme de couille. Ah mais toi, t'as déjà fait ça 10 fois. Donc, ouais, en fait, ça, le mec c'est la peine qui revient tous les ans. Ah mais putain, je sais pas, à chaque fois il me fait rire alors. C'est idiot, mais c'est drôle. C'est nul. Non, c'est drôle. Mais si. Attends, mais le mec il se lève le matin, dans le dos, il est une bite. Bah oui. Bah c'est drôle, moi je l'ai fait. Ouais, bah lui. Ah ouais, Ouais, mais lui il l'a fait. Ah oui, sur sa meuf à l'époque. Oui, si, il l'a fait. Ah oui, c'est un connard. En fait, c'est-à-dire que moi j'ai pris de l'autobronzant et en fait dessus après j'ai mis de la crème 50 pour faire le dessin. Donc en fait, t'avais la trace de blanc de la bite et tout le reste était enfoiré. Et elle l'a bien vécu pour que tu rigoles autant ? Non, c'est pas grave, il s'en fout. Oui, en plus c'était dans le dos, ouais. Bon, bref, faites attention donc quand vous allez en vacances de ne pas vous tromper de destination. C'est aussi on en parlait au début de l'émission. Il faut que tu m'expliques parce que je vois pas comment tu peux te tromper de destination. Bah attends, ouais. Laisse-le t'expliquer. Voilà. Non, mais si tu vas à New York, tu vas à New York, je vois pas comment tu peux aller ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Bah il y a un Hollandais en fait, c'est Johan Rutten et donc son petit-fils, hein, le petit Rutten. Johan Rutteneke. Voilà, c'est ça, qui ont réservé leur voyage pour Sydney. Ouais, bah jusque là je comprends, normal. Voilà, donc ils voyagent et quand l'avion atterrit, bah les deux mecs se retrouvent à Sydney. Mais pas en Australie, à Sydney, au Canada. Oh mince. Ah ouais, non mais t'imagines, tu vas aller à Paris en France et tu débarques à Paris au Texas. À Paris, c'est au Texas. Oh là là, ils ont fait quoi ? Bah il y a Air Canada en fait qui a proposé deux chambres d'hôtel, puis un autre vol en fait les a conduits vers l'Australie et puis ils ont alors retrouvé leur famille. Ah voilà, mais t'imagines l'angoisse, c'est-à-dire tu te retrouves dans une ville improbable et en plus tu peux pas partir, c'est-à-dire t'es obligé de rester pendant une semaine. Ah oui oui, non mais c'est clair. C'est comme quand on a pris l'avion, on a pris l'avion ensemble il y a pas très longtemps, j'étais à côté d'une Canadienne. J'avais 5 heures de vol. Pendant 5 heures, impossible de dormir quoi. Ah bah, présentement là, je suis présentement pas... Oui mais alors présentement là. Monsieur Roux, mais alors qu'est-ce que vous allez là pour quoi? Non mais tu bois pas ton vin là. Elle me parlait de ça et tout. Elle t'a gratté ton alcool. Foufoune, ça veut dire fesse là-bas. Oui, quand on sait pas ouais, non, mais on je est surpris hein. Mais je tu parlais... Attends, tu parlais de fesse avec elle quand même. Non mais en fait bah, elle avait 60 ans. Tu parlais de fesse avec une Canadienne de 60 ans. T'es dégueulasse. Non, ça se trouve, elle essaie de te brancher. Hein. Tu lui as dit que t'avais un pote mongol ou pas, savoir si vous étiez intime. Non, c'est pas ça, mais en fait, on était en train de discuter et je rigolais sur les mots de merde qu'ils ont chez eux, quoi. Mm. Comme breuvage. Ah oui, mais toi aussi, tu tends le bâton, quoi. Bah oui, mais je rigolais avec elle. Bah oui, mais c'est normal, après, elle a trouvé un ami, elle te parle. Non, mais ça, c'était la première heure. Après les quatre suivantes, t'étais pas obligé de me parler. Attends. Ah, j'ai pas dormi. D'ailleurs, on salue Énergie Canada qui est né aujourd'hui. Ah ouais. Bon, oui, effectivement, il y en a plein, Québec, Montréal, mais rassurez-vous, je suis déjà en contact avec eux. Hein, bien, pour le coup, les Canadiens sont très gentils, parce qu'après 5 heures de vol, j'étais invité officiellement à Ottawa. Oui. C'est très gentil. C'est vrai. Que je vais y aller pendant 6 mois. Bon, cela dit, au niveau des vacances, donc il y a plein d'aventures là, qui arrivent aux touristes là parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voyager et puis aussi parce qu'ils comprennent pas trop la langue. Ouais, enfin c'est vrai que c'est compliqué de communiquer, mais tu t'adaptes, tu parles avec les mains, tu fais des signes, t'écris, enfin. Mais oui, t'as fait. Il y a une touriste donc anglaise à qui il est arrivé une histoire improbable. Elle s'est trompée d'avion ? Non, elle a débarqué. Elle débarque en fait à Danemarie en France. Danemarie ? C'est où Danemarie ? C'est là où il y avait la Starac ? Non, c'est dans le. Mais non. Danemarie Lélis. Non, c'est dans le sud de l'Alsace. Oh. Ah bah déjà faut être con pour passer ses vacances à Danemarie. Pour aller d'Angleterre à l'Alsace. Ah ouais, ouais. Enfin des dépaysés cela dit. Tant qu'à faire, part pas ou reste dans une cave pendant deux semaines. Ouais, voilà. Et donc en gros elle est restée enfermée dans la mairie de Danemarie donc parce qu'elle a confondu l'hôtel de ville avec un hôtel. Oh la Elle est vraiment teubée en plus. Voilà, c'est ça. Comment elle a fait pour s'enfermer dedans? Bah, elle est rentrée dans la mairie en fait pensant que c'était un hôtel et donc elle est partie aux chiottes et puis les employés de la mairie l'ont enfermée. Et elle s'est endormie dans la mairie et puis elle a été libérée le lendemain en fait par une femme qui passait devant la mairie. Ouais, voilà. Ce qui est bien durant l'été en plus c'est que ce n'est pas seulement les vacances. Bah c'est quoi? Bah c'est le sexe aussi pendant les vacances. Enfin pendant l'été. On comprend pas très bien là où tu veux. Bah en fait non, c'est un truc tout con. C'est selon une étude hollandaise en fait durant l'été les couples font plus souvent l'amour. Ouais, et alors? Bah ça baise mieux durant l'été en fait. Donc les hommes et les femmes se sentaient un peu plus détendus, ils ont moins de stress. Et donc bah grâce à la disparition de la routine quotidienne, et ben ils baissent comme des lapins. Ouais, enfin c'est surtout parce qu'ils bossent pas hein. Ouais. Eh bien merci pour cette information capitale. Je t'en prie, si tu en veux d'autres sur le cul, je peux t'aider. Qui finalement tombe sous le sens en plus. C'est vrai. Bon, puisqu'on est dans les vacances, on aura aussi un reportage exclusif, une enquête donc qui va nous emmener dans la vie des touristes français qui seraient les plus désagréables touristes au monde. Roux, tu confirmes? Ouais, effectivement, les plus aigris, les plus malpolis, les plus radins, et avec une mention spéciale pour le touriste parisien. Voilà. Ouais, bien insupportable. Eh bien on verra ça donc tout à l'heure dans Enquête exclusive. Spécial vacances. Ah. Eh oui, voilà. Bon, et puis Jean-Claude Elfassi qu'on va voir dans un instant. Avant ça, il y a Tara qui est là maintenant. Bonsoir Tara, comment ça va ? Ça va et toi ? Ben oui, ça va bien, tranquille. Tara, sois la bienvenue. T'appelles de Magny-le-Hongre ou Magny-le-Hongré ? Magny-le-Hongre. Ouais, c'est dommage, j'aurais dû m'arrêter sur la première idée. Hey, t'as dû te faire vanner avec ton prénom, Tara. Pourquoi ? Bah non. Bah non, tu peux tout faire. C'est avec sexy, ça. Tara. Tara, ah, c'est sexy. Tara Reed. Tara Bank. Enfin, c'est surtout un prénom de cochonne, quoi. Tyra. Ah ouais, c'est pour ça. C'est pas grave. T'as raté. C'est ouais, ouais, ouais, sur le coup. Ouais. Comme Sandra, c'est super sexy. Ouais, grave. Ouais, ouais, mais ça fait moins cochon. Ah, on dit en général les noms qui terminent par A. Les prénoms ouais, c'est vrai. De meufs. Ouais, par I aussi. Virginie, Jenny. Ah ça fait idiote. Ah bon ? Ah, je trouve ça fait idiote. Ouais. Je sais pas. Ouais, bah, après, c'est un... Je trouve qu'il n'y a pas photo entre le ouais, A et le s'appelle I. Ta mère. Oui, c'est vrai. Hein ? Ma mère, elle s'appelle pas. Ma mère, attends, mais. Non, mais ah, par tu vois, elle s'appelle pas, ça finit oh. par un A. Ah ouais, bah voilà, tu vois. Par contre, Micha, on va l'appeler Chami maintenant. Bon, alors, Tara, t'as passé de bonnes vacances ? Oh, bah oui, très bien, mais je pars encore après. Ah, bah tranquille, tu peux. T'es parti où ? Bah, je suis partie en France. Et attends, après, je t'interromps. Ouais, Micha. Il est là. Ah mais oui, mais enfin bon, écoutez, moi, l'antenne a repris, mais j'étais au téléphone avec ma mère. Alors bon, bon écoutez, bah, parce que je me doute. À ce temps-là, oui, on se doute que c'est ta mère. Voilà, ouais, non, j'étais avec des potes, et d'ailleurs, je fais une grosse dédicace à mon ouais, pote. C'est ça, et casse-toi. J'ai perdu. C'est ça. Bon, Tara. Ouais. Alors, bon, alors comment ça se passe, Tara? Donc, t'es partie en France, là? Je suis partie en France, et je repars aux États-Unis après. Ah bah tranquille, tu vas où, aux States? New York. Ah bah cool, ça va être bien, New York. Ouais. Tu pars quand, New York? Enfin, quel mois, je veux dire. Septembre. Septembre ? Oui, le 11 ? Non. Non, bon, d'accord. Oh, je vais essayer après. Non, mais ça changera rien. Hein. C'est oui, c'est si tu dois t'écraser, tu t'écraseras. Ah, c'est sympa. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, mais lui dis pas ça, t'es pas obligé de lui parler de Crash. Non, mais je... Ça non. fait longtemps que j'ai plus vu la Crash, putain. Hey. Qu'est-ce que c'est chiant, cette émission. C'est énorme. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais parce que tu connais rien. C'est pas que tu connais rien. C'est en fait, ça met 1000 ans à t'expliquer, à voir le Crash. Bah oui, oui, oui, bah oui, ça, ouais. ça explique tout. Oui, alors pour le coup, donc... j'aime pas trop l'émission, mais t'es un peu con quand même, parce que c'est le principe, Air Crash. Bah c'est ça. Non, parce que... Non, mais de toute façon, Tof, c'est pas compliqué, il préfère voir une bite, une bite. C'est ça, c'est pareil, dans un film de cul, t'attends pas 1000 ans que le mec... Oui, oh, bah ça reste à voir, ça encore. Bon, bref, donc alors, Tara, toi, tu voulais parler de Secret Story, donc toi, parce que la question de ce soir, c'est... Enfin, de ce soir, question dont on avait parlé tout à l'heure, là, est-ce que tu trouves que ça va trop loin cette année, la prod, tout ça, avec tout ce qu'ils ont fait avec FX, avec la mère qui pleure. Tout le bordel, enfin bref, entre autres, ouais. Ça c'est juste un petit aperçu. Hein. Donc, alors qu'est-ce que t'en penses, toi, Tara? Bah, en fait, ouais, j'avoue, enfin, certains trucs ça va un peu loin comme avec Maya pour la transsexuelle et tout. C'est vrai que c'est pas évident à porter, mais en fait, à côté de ça, enfin, je veux dire, il y a plein de trucs sympas dans Secret Story et tout. Et puis, en fait, j'ai envie de dire que on s'en fout un peu de si la prod va loin ou pas, quoi. Bah oui non mais non tu t'en fous un peu c'est à dire que tu peux aimer ça c'est une chose mais après ouais. Tu peux te dire effectivement putain ils vont loin. Moi personnellement je trouve ouais, l'argument du roux était vachement plus ouais. clair. Ouais, ouais c'est vrai que le roux avait quand même un argument de poids. Percutant. Non oui oui oh là là très très très percutant. D'ailleurs percutant. Je pense que c'est l'argument que nous retiendrons de toute cette discussion. Et en retenir hein. Ouais bah écoute. Vous pourrez le ressortir quand vous ferez des discussions entre amis. Au milieu d'un repas et tout, ce sera facile à placer. Ouais voilà. Ouais. Voilà. Bah enfin le route véchi en fait. Non mais autant dire les choses. Non c'est juste que je sais pas si c'est important quand même la production quand même. Va loin. Et ça aussi vous pourrez dire à vos amis. Roux il a voulu enchaîner sur autre chose en fait. Il a voulu relancer. Non mais tu sais bon quand ça va loin. La vie est pas toujours facile. Ah je pense pam, pam, pam, pam, pam. Bon bref, bon alors toi t'es... Je recommence. Donc toi t'étais pour, donc tu trouves, t'adores, tu trouves pas que ça va trop loin. Et ton entourage aussi, tes amis, ta famille, tout ça ou pas? Ton chat, ton ouais, chien. Franchement la plupart ils suivent et tout. Et puis on en parle entre nous, même entre potes, c'est marrant et tout. Mais ouais, même ma mère elle suit quoi. D'accord. Toi, tu t'en fous, demain ils ramènent un chien et l'égorgent en direct, c'est pas grave. Mais non, ça non, bien sûr que non. Ah bah alors. Là ils iraient trop loin alors. Oui, ouais, oui, mais non, mais même pour Maya, je dis ils vont trop loin et tout. Voilà, il y a des trucs, c'était bouleversant quand elle pleurait et tout. Bah voilà, c'était pas évident. D'accord. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, il y a plein de trucs sympas quoi. Ouais, non, mais je veux bien croire. Hein. Bon, attends une seconde, il y a aussi Sébastien qui est là, 28 ans de Nanterre. Salut Seb. Oui, allô, bonsoir. Comment ça va? Salut. Bien et vous? Ça va, tranquille, sois le bienvenu Sébastien. Tu voulais réagir toi aussi par rapport à Secret Story? Ouais, par rapport à Secret Story. Juste une petite question. Vas-y. À... Comment elle s'appelle? Tara, c'est ça? T'as ouais. quel âge? Il y a moyen que je passe ce soir? Non. Ah c'est bon. Juste pour savoir, je sais pas, qu'est-ce qui te plaît dans cette émission, quoi. Ah, c'est Benjamin Castaldi, alors ça. Parce que moi, je vais vous dire un truc, moi. Moi, je vais vous dire une chose. C'est à cause des personnes comme Tara, j'ai rien contre toi. Mais bon, c'est à cause des gens comme Tara, ouais. Et la production, elle pousse les gens à faire des trucs comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ça veut dire que plus ils font de la merde, plus nous on va regarder. Ouais, et plus ouais on c'est un peu le but, ouais. Bah oui, c'est un peu le but. Et moi je trouve ça con un petit peu. Alors on essaie de faire pareil en radio chez nous, ça marche ou pas? Ouais, ça marche, mais vous, c'est différent, quoi. Ah, on fait la merde, mais on est gentil. Ouais, voilà, j'ai regardé les autres, tu sais, sur internet, les autres Big Brother, là, et ils vont encore plus loin, ils sont encore plus ouf, hein, dans les autres Big Brother. Ouais, ils vont peut-être un peu plus loin, mais la mentalité à l'étranger et ici, ouais, c'est voilà. pas la même. Ouais, c'est non, pas pareil. Et la différence entre les autres et Secret Story, c'est que Secret Story, c'est la prod qui impose les trucs, qui impose les alors que dans les scénarios, ouais. dans les Big Brother, tu sais, en Hollande, aux États-Unis et tout, en fait, ils mettent des gens tellement barges qu'ils savent que ça va partir en couille tout le temps, quoi. Mais justement, eux, ils mettent des gens tellement barges, mais eux ici en France, bon, vu que c'est pas des gens qui sont barges, que bon, la mentalité française elle est un peu plus calme que la mentalité étrangère, donc justement, la voix est dans des missions super bidon à tout le monde pour foutre la merde. Et vous voyez comment ça se passe. Ouais, parce qu'on retrouve des gens en train de pleurer et tout. Moi, je trouve personnellement, c'est vraiment abusé, quoi. Ouais, je crois que c'est aux États-Unis où ils ont mis un gros, un nain, enfin, ils ont fait n'importe quoi. Aux États-Unis, ils ont fait le bachelor pour les nains. Oui, ouais, c'est vrai, exact. Franchement, tu tombes dessus. En fait, tu rigoles, mais tu peux pas trop rigoler, tu te sens un peu mal quand même. Ouais, mais en même temps, le nain qui participe à l'émission, il sait là où il met les pieds et il sait que. Ouais, voilà. Mais je sais pas. Là, ça, il sait facilement, de toute façon. Hein, les candidats de cette année, ils s'attendaient pas à la violence morale qu'il y a là. Ouais, mais attends, Sandra, ils savent quand même où ils sont, ils savent quand même dans quel jeu ils sont. Et puis attends, ils peuvent sortir comme ils veulent. Alors, ils savent quand même où ils sont quand t'as regardé effectivement la saison 1. La saison 1 et la saison 2, mais là la saison 3 ils vont vachement loin quand même. L'année dernière il n'y avait pas des candidats qui pleuraient comme ça. Mais pas vu qu'ils font tous du cinéma, toujours il y en a qui est en train de pleurer, je veux sortir, mais ils sortent jamais, ça veut dire quoi ça? Eh ben, enfin, en même temps quand t'as 150 000 euros à la clé, moi je sors pas non plus. Hein. C'est ça, tu pleures un petit coup puis tu dis bon allez pauvre con, tu vas choper les 150 000 euros et puis tu vas rester là. Et puis surtout ils sont à l'intérieur du jeu, donc eux ils se rendent même pas compte de la violence psychologique que c'est. Ouais, en plus ouais c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai. Ouais, parce que c'est que quand ils vont sortir qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés, parce qu'il y a plein de trucs qu'ils savent pas encore aujourd'hui. Ouais mais noté manipulé, mais on dirait c'est quelle saison, c'est la saison 3, c'est la mais ça dure plus longtemps que les autres ouais, années, hein. 4 en plus semaines c'est très très long, hein. Ah putain, il y a un mois de plus. Ah ouais, mais c'est parce qu'à mon avis ils veulent bien les flaguer encore plus. Ouais, mais ils ont vu la première saison, ils ont vu la deuxième saison, ils savent très bien comment ça se passe, mais c'est vrai, il est c'est plus violent là cette année. Franchement moi c'est il y a pas photo, moi je suis choqué, hein, parce que moi j'adore cette émission, je regardais tout le temps et franchement là quand tu vois les 12 tu dis mais putain, parce que moi je m'étais toujours dit je pourrais aller dans ce délire là, ça doit être marrant et tout machin, mais là quand je vois ça, même si tu me payes, oh j'y vais là pas là, regarde tu t'es alors qu'il y a quelques jours je la vois et t'es là ouais, le sourire jusque derrière les oreilles, oh c'est trop charmé cette année, mais c'est bien sûr que c'est charmé parce que c'est tellement violent et machin que ça fait parler, on en parle partout dans tous les sens. Moi dès que je suis avec des copines, on fait que parler de ça. L'intérêt c'est qu'en attendant on crache pas sur les copines, ça produit du spectacle. On crache sur FX et pas sur la copine, donc. C'est vrai. Finalement qu'est-ce que tu... pendant combien de temps, pendant 2 mois et après? Après on recrache pas sur la copine, hein. Non mais ça va, se reposer 2 mois, hein. TF1 a rajouté des émissions parce qu'ils se sont dit ouais, comme on n'a pas la Starac il faut continuer. Bah c'est ça en fait, hein, il faut continuer plus loin. Bon attendez 2 secondes, Tara et Sébastien. On a pardon Jean-Claude Elfassi qui est avec nous. Comment ça va Jean-Claude? Ça va, merci. Bon c'est plus possible, hein, de me faire chier comme ça pendant les vacances pour venir chercher au poste. Non mais quand même, j'ai autre chose à foutre quoi. Et même pas un merci en plus, hein. C'est quand même incroyable. Bon comment ça va depuis ta garde à vue alors Jean-Claude? Bah écoute, ça va, je commence à avoir l'habitude, hein. C'est oui. Pas un flic pour pouvoir garder à vue, alors. Mais pour une fois, c'est toi qui as été pris en photo, du coup. Ah oui, sur le coup, ouais. Non, il m'aime pas. J'ai refusé la photo. Oh, on a le droit. Ah, t'as le droit de refuser? Ouais. Bah, c'est quand même droit, énorme, mais... c'est le paparazzi qui refuse. Voilà. Le truc qui va loin. Ils m'ont dit, vous savez, c'est un délit, etc. Je dis, mais bon, comme vous avez rien contre moi, ça vous fera quelque chose. Oui, bah c'est ça, voilà. Ouais. Non, mais t'as raison. D'ailleurs, attends, est-ce que t'as réussi à t'en faire des espions à la police? Mais j'en avais déjà. Mais... T'en avais déjà. Mais bon, c'est des espions intelligents que j'avais pas à faire un peu là, quoi. Bon, alors juste pour présenter pour ceux qui connaissent pas. Bon, après, si vous connaissez pas, à un moment, faut s'en sortir aussi, hein. Oui. Un petit oui. peu, quoi. Bon, donc en gros, on entend de plus en plus parler de toi, donc après être infiltré dans les mariages, hein, donc jamais invité, mais toujours présent. Mélissa Torio, Jamel Debbouze, Eva Longoria, Tony Parker. Donc, c'est le ton petit plaisir de l'été, Secret Story. C'est ça. Voilà, en fait j'ai commencé doucement, mais vu l'agressivité de la prod à mon égard, ils ont vraiment fait ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ah, oui, donc plus ils sont méchants avec moi, plus je suis méchant avec eux. Ouais. Et donc voilà où on en est. Nous, on voulait te dire qu'on t'aimait bien, hein. C'était juste pour le placer au début. Hein. Mais tout le monde l'aime bien. Oui, bah sauf Endemol. Hein. Et Richard Dufay, t'adore. Hein. Ouais. TF1 non plus, hein, mais bon après. Donc au début. TF1 il aime bien. TF1 et Endemol, c'est la même chose. Ouais, mais c'est ça. En fait, ils font semblant de pas t'aimer, mais au final, tu fais la promo quand même du merdier. Hein. Oui, mais je suis pas sûr que enfin la promo, ce genre de promo, parce que on peut pas dire qu'ils aient vraiment un bon comportement. En plus, tu vois, c'est une promo qui va leur coûter très très cher, parce que jusqu'à maintenant les esclaves ne s'étaient jamais révoltés, donc ils avaient de la main d'œuvre qui leur coûtait pas cher du tout, et là je crois que cette main d'œuvre elle va leur coûter très cher. Bon, et alors donc concrètement, donc au début, donc tu filais les noms des candidats en exclu, ça qui est quand même sur la liste. Donc en fait, les candidats, ils se sont fait virer à cause de toi avant même de rentrer dans le jeu, en fait. Ils doivent te haïr. Mais je leur ai rendu service. Imagine s'ils étaient rentrés dans le jeu, c'est Denis Dingo. Non, mais c'est vrai, oui, mais t'imagines. Je leur évite de se payer un psychiatre après. mais d'ailleurs, il y a un psychiatre dans le jeu qui leur parle ou pas? Oui, en fait, ils sont derrière des vides fantins avec une armée de psychologues qui font exprès de manipuler le jeu de manière à ce que ça fasse des clashs, au moins quelques clashs par jour. Pour qu'il y ait un intérêt au jeu, parce que si t'avais un troupeau de cartes qui s'y restait sans bouger, sans rien dire toute la journée, je crois qu'on s'emmerderait vite fait. Donc ils font exprès de les mettre les uns contre les autres de manière à ce qu'on puisse s'amuser un peu. Ouais, et donc là c'est la guerre entre la prod et toi. Alors d'où ça part en fait, enfin d'où c'est parti, pourquoi t'as décidé de les faire chier? Attends, et là il va dire j'ai voulu jouer et on m'a refusé. Non, c'est pas ça. La télé-réalité, c'est pas tout à fait mon truc, mais en approchant petit à petit ce milieu, j'ai vu en fait que ça cachait beaucoup de choses, ça cachait donc des gens qui gagnaient beaucoup, beaucoup d'argent sur le dos d'autres qui n'étaient pas payés. Ouais. Ça cachait des gens, enfin une multinationale qui méprise les candidats, qui les exploite mais vraiment à fond. C'est-à-dire quand tu penses que ces gens-là tu peux imaginer qu'ils vont repartir avec une cagnotte, avec de l'argent, on parle de 150 000 euros, etc. Ouais. Mais en fait, tu remarques qu'ils repartent avec rien du tout. La cagnotte, elle a été, les cagnottes, elles sont récupérées petit à petit par la prod. À chaque fois, ils donnent des gages et ils perdent leur cagnotte. Donc tu peux voir que pratiquement ils n'ont plus rien sur leur cagnotte, et de toute façon il n'y a que les finalistes qui touchent la cagnotte, hein. C'est pas les autres. Il n'y a que ceux qui sont sortis là maintenant ne touchent pas. Donc la cagnotte. Faut jouer quoi au final. Il n'y a que les 4 derniers ou les 2 derniers qui touchent la cagnotte. Tout le reste, ils touchent rien du tout. Même s'ils ont une cagnotte qui est pleine, même s'il y a 100 000 euros sur leur cagnotte, ils n'arrivent pas en finale, ils touchent rien. Mais ils sont salariés là quand même, c'était pas tout le délire là. Non, ils sont pas salariés. Ils ont rien du tout. Il y a écrit, c'est un jeu sur les contrats. Je vais publier bientôt les contrats, puisque tout le monde me les réclame. Et qu'y a-t-il dans les contrats? Pourquoi toi t'as décidé de balancer tout ça en fait? Ça part de quoi? Ça part de rien du tout. Je fais mon métier de journaliste. J'enquête sur un système que je trouve dégueulasse. Alors quand tu penses que tout le monde se dit oui, mais ils font de la promo, de l'argent après en vendant des photos, mais non. En moyenne, ils touchent entre 1500 et 3000 euros. Pour toutes les photos, c'est-à-dire ils ont fait les couves de tous les journaux pendant tout l'été. C'est pas cher payé en fait au final. Mais en fait, ils touchent entre 1500 et 3000. Alors moi, je savais même pas ça, tu vois. Mais alors que j'ai appris, quand je cherche souvent mes reportages, quand je vais dans les rédactions, ils disent mais quoi, t'es des candidats de télé-réalité, tu veux nous faire payer ça? Mais on paye pas ces merdes-là. C'est de la merde. On n'en veut pas. On paye pas ça. Donc en fait, l'agence de presse CIPA qui s'occupait d'eux a l'habitude de donner ces photos, tu vois, ou les donner ou les vendre 3 francs 6 sous. Ouais. Donc pour eux, quand tu vas vendre une personne issue de la télé-réalité, ça leur fait un choc. Ils disent non, pourquoi on payerait aujourd'hui alors qu'on est habitué à ne pas payer? Entre ce que tu dis, genre t'as fait une enquête et quand même t'es arrivé à la garde à vue, il s'est passé quelque chose. En fait, ils perdent leur calme. C'est-à-dire, au lieu de faire leur travail et de respecter mon travail de journaliste, ils se disent, bon, il y en a un qui nous emmerde, on va lui envoyer la milice. Ils m'ont envoyé leur gorille pour m'impressionner, pour défoncer ma voiture, pour... ils ont défoncé ta bagnole? Donc ils sont servis de leur voiture en voiture bélier. Oh oui, donc, j'ai vu le petit montage qu'il y a sur ton blog. La reconstitution. Exactement. Donc maintenant, ils ont cherché à m'impressionner. Il y a eu des menaces de mort dans tous les sens. Ce qu'il faut dire, c'est que même Romain s'est fait ceinturer, il s'est fait agresser. Parce que tu vois, regarde par exemple un exemple, samedi, tous les anciens de Secret Story, ils étaient 7 ou 8, se sont retrouvés dans un restaurant, et ils voient passer cette malheureuse Maya, entourée de 3 gardes du corps, et qui leur a fait un petit coucou très timide, qui n'a même pas pu aller les rejoindre. Ah, d'accord. C'est 7 ou 8 copains qui sont là, sur une terrasse de café, elle est entourée de 3 gardes du corps, sans avoir la possibilité de les rejoindre. C'est-à-dire, même après le jeu, ils ont des gardes du corps sur le dos. Ah ouais, alors que c'est censé être un jeu où tout le monde est ami. Ils ont mis un premier avion et hop, direction Vancouver. Tu vois, Maya, ils s'en sont débarrassés vite fait. Il y a aussi le fait qu'ils ont dû adapter le scénario de Secret Story, puisqu'il y a eu l'affaire des hamburgers balancés dans le jardin aussi. De toute façon, ça me fait rien. Ils se sont grillés tout seuls. Parce que les participants avaient entendu le rire d'Emily, ils avaient entendu que l'ascenseur qui devait les emmener au Prime n'était pas parti, donc il y avait déjà ils eu des commentaires. Ils avaient un gros doute en fait. Voilà, ils sur avaient la dit, piste secrète. Ils sont à côté, ils sont jamais partis. Donc il faut pas, c'est pas la peine de mettre ça sur le dos de Romain. Alors pour expliquer pour les auditeurs qui ne comprennent pas. C'est des amateurs, ils ont tout, c'est des bidons, c'est des amateurs. Juste pour expliquer pour les auditeurs qui sont pas au courant en fait, enfin pas tous en tout cas, c'est qu'il y a Romain avec des anciens candidats qui ont balancé des hamburgers donc dans le jardin pour les candidats qui étaient à l'intérieur, mais dedans il y avait des petits messages où ça balançait les secrets des uns des autres et ils ont là il y avait aucun. C'est ce qu'on a pu lire dans la presse. Je t'aime, Angie, il y a un secret qui a été balancé. Les courriers, la prod bloque vos courriers. Ouais, on en parlera tout à l'heure aussi. Et on a aussi balancé que les deux, enfin confirmé que les deux, Jonathan et Emily, étaient donc dans la pièce secrète. Il y a une petite gaffe, c'est-à-dire il y a écrit bonjour à Jonathan ou courage Jonathan ou un truc comme ça. D'accord. Il y avait juste mis là. Ceux qui pouvaient laisser penser que Jonathan était toujours là, puisqu'il y avait. Bon, il faut savoir que ça a été balancé, mais immédiatement tous ces trucs ont été pris par la sécurité. Tous les hamburgers ont été saisis par la sécurité sans même. Ils ont même pas pu les manger. Non, ni manger. Quelle horreur. C'est quel gâchis. Et pour finir, Jean-Claude, tu sais qui sera le prochain à sortir? Non, je vais t'avouer que ça fait quelques jours que j'ai pas regardé. Ah bah oui, t'avais pas la télé. Non, je regarde pas vraiment. Et ça me passionne pas vraiment. Non, bon, écoute, en tout cas, parce que comme on a vu qu'il y avait pas mal de choses à dire, si tu veux passer un de ces quatre à la radio, n'hésite pas. Hein. Bah écoute, avec plaisir. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Sandro ? Est-ce que t'es en planque en ce moment ? Non, je suis en train de... Enfin, je te dis pas ce que je suis en train de faire, mais je suis tranquille chez moi. D'accord, ok, très bien. Mais alors, ne nous dis pas. Il peut te dire qu'il est en charmante compagnie. Tu prépares les photos de qui, là ? Non, en fait, qu'est-ce que tu nous prépares ? Je suis retraité, moi. Je vais finir la saison Secret Story. Je vais prendre quelques vacances. Je travaille plus beaucoup. Moi. Je suis vieux, comme diraient tes auditeurs. T'as raison. Bon, en tout cas, Jean-Claude, tu passes nous voir quand tu veux. Tu passes exactement quand tu veux. Et puis, tes histoires. Et puis, passe une bonne soirée. Hein. Merci à vous. Bon, et la prochaine fois, je vais pas te chercher. Hein. Tu me casses les couilles. Non, mais c'est vrai, merde, sans déconner quoi. Bon, salut Jean-Claude. À bientôt, au revoir. Ciao. Eh, maintenant qu'on le connaît, un de ces jours, il va venir prendre en photo l'euro quand il sortira de la radio. Ouais, mais tu sais, ça vend pas ça. Déjà qu'il arrive pas à vendre ses photos de Secret Story. On verra. Bon, on avait dit tout à l'heure aussi qu'on appellerait Nikos. On l'appelle maintenant ou on... Allez. Hein? Ah, il se lève demain quand même, hein. Ça fait un peu tard là. C'est pas sûr hein, encore hein, qu'il se lève. Hein. Parce qu'il est venu aujourd'hui, bon, c'était le premier jour, mais demain, tu sais, il faut le rythme hein, de se lever si tôt. Ouais mais c'est un bosseur Nikos. Ah oui non mais je peux dire qu'on en sait rien. Mais tu sais moi ça m'a ils vont rien. Ça m'est arrivé un jour, je travaillais sur une radio, je faisais juste le même taf que Jack, je poussais les boutons. Je devais commencer à 4h du mat, 5h du mat et je suis arrivé à 7. Ah c'est bien. Ah mais c'est normal, c'est un métier épuisant donc. Ouais bah je sais, ouais, c'était dur d'ailleurs. Enfin, bon. Bon allez on appelle Nikos maintenant, s'il décroche. Parce qu'il m'a dit tout à l'heure, oui, je suis pas sûr, peut-être que je serais fatigué. Mais le je suis fatigué. Oui, allô. Oh, c'est beau, ça c'est beau. Et ça fait plaisir. J'étais en train de boire mon lait avant de me coucher. Avec ton cookie. Oh là là. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, donc il y a un petit jeune là qui a commencé ce matin sur Énergie. Donc hein, c'était la première de Nikos dans le 6-9 avec Flo et Mustapha. Bon, ça va Nikos? Bah écoute, pas trop mal. T'as la voix du mec qui se lève ou qui est vraiment qui a envie de dormir quoi? Ouais, j'ai le gars qui peut même pas enlever son pantalon tellement il est crevé sur le canapé. Avec une pompe, j'ai une tongue d'un côté et puis une chaussette de l'autre. Et je me dis, faut que je me lève, les gars. Tu es glamour chez toi. Ouais. Ça a l'air sympa chez toi, dis donc. T'as niqué le rêve d'un millier de gamines, là. Si avec le rêve, à ce moment-là, j'ai tout niqué, je crois. Bon, comment ça s'est passé la première sur Énergie, là, ce matin? Ouais, c'était grisant, c'était sympa, ils sont bien, les petits, ils sont, c'est des snipers, ils vont vite, et puis vous m'avez bien accueilli. On est dans le même studio là, je crois, non? Oui, dans on est là. Oui, d'ailleurs, effectivement, tu m'as fait changer tous mes écrans, là, je suis complètement paumé avec tes petits caprices de star. Il y a des traces de doigts quand tu lances les jingles et tout, c'est les miens, tu verras. On va revendre sur eBay. Voilà, ouais. Non, et puis c'était sympa, les gens étaient sympas, ils ont participé, on a réveillé Johnny qui est en train de s'endormir à Saint-Barth. Et demain matin, on va remettre ça. J'ai envie de réveiller un people à 3h du mat, je te jure, je vais le faire. Eh, appelle le roux. Ah oui, bonne idée, tiens, j'avais pas pensé à ça. Ça c'est du people, je te le dis direct. Bon, et est-ce que tu as fait l'émission enduit de confiture? Non plus, mais pas baïonné non plus, et pas de portée volante avec un animal de compagnie. Ah merde, ah, pour ceux bien qui l'ont pas... quand même. Ouais, pour ceux qui l'ont pas vu en fait dans la pub de la rentrée, il y a Mustapha et Flo donc, qui demandaient d'envoyer 3 pour que tu fasses l'émission nue et enduit de confiture. Donc du coup forcément. Quand j'avais mon portable pendant tout l'été. Bah voilà, c'est ça, hein, 612, mais ça n'a malheureusement pas. Ça n'a pas marché, je suis très déçu d'ailleurs, parce que moi j'étais prêt à venir juste pour ça. Ouais, c'est ça. Alors attention, là j'ai une petite question quand même que j'avais préparée, sachant que j'ai envoyé un message à Nico il y a une heure en disant écoute attends 2 secondes on va t'appeler. Je dis non mais mec je vais peut-être dormir, mais tu devrais pas être au lit là, hein? Bah, je suis sur le canapé en train de glander et d'attendre votre appel comme une merde, je vous le dis. Bon, et puis sinon ce matin vite fait aussi t'as réussi à avoir Shime et t'as bien de la chance puisque nous on l'a pas voulu, qui est pour dire la vérité sur la grippe A, donc hein, ça va, t'as pas été malade toi cet été? Non, pas encore, mais peut-être que je l'ai chopé dans le studio, mais donc si je l'ai eu, vous l'avez aussi. Est-ce que vous avez vu la note interne? On en reçu un mail. Oui. Mais elle est affichée dans les chiottes aussi. Ouais, à propos de la grippe A, se laver les mains. Alors t'as un truc qui dit lave-toi les mains, mais en même temps, c'est adressé aux animateurs. Si vous voulez une bonnette personnalisée pour les micros. Ouais, donc c'est les comme mousses si qu'on met sur les micros, ouais. Voilà, comme si on allait se refiler la grippe A par les micros, mais on va se mettre en quarantaine, on va vivre 40 ans à Énergie, et le premier qui sort, il se fait sniper, c'est pas possible. C'est en gros ça. Alors, le seul problème, c'est que le micro qu'on partage avec Nikos, il n'y a pas de bonnette. Oui, donc vous êtes niqué. Vous avez surtout de la... Enfin, Nikos, il y a de la chance, parce que TF1 n'a pas été... c'est pas un lieu qui, si jamais l'épidémie se propage, ça... France 2, par exemple, est réquisitionné. J'ai rien compris. Ouais, c'est normal, j'ai pas réussi à parler. Oui, t'as l'armée dans France 2. Tout France Télévisions, en fait, c'est un site qui serait réquisitionné si la grippe A devait contaminer plein de personnes. Mais bah, si on est contaminé à TF1, on sort les anciens, ils oublient la gaffe, ils reviennent. Bah, c'est vrai, ils ont déjà sorti les anciennes émissions, donc ils auront pas de compliqué à se remettre dedans. Hein. Je ne peux pas m'exprimer, je ne vous entends pas très bien. Il n'y a pas de malaise, nous ne t'avons pas demandé ton avis. Sur le Nico, s'il va faire le club Dorothée dans pas longtemps. Voilà, c'est ça, ouais. Je sors Jackie, Jacques. Bon, Nikos. Je t'avais dit que c'était court, mais bon, t'as 3 minutes encore? Ouais, vas-y, ce que tu veux. Bon, très bien, allez, bouge pas. Ce que tu veux, putain, 10% de ton salaire. J'ai pas fait de hold-up à Énergie, je suis venu tranquille. Changement de pote, hein. Ouais, Sandro, 5, c'est bon. Ouais. Bon, Nico, à la jeune femme qui parle, dis-lui de venir à 5h du mat, tu verras. Tu feras moins la maligne. Attends, parce que si tu viens en jean avec des baskets, elle peut être là, je pense. Hein. Parce qu'elle a beaucoup aimé ton petit jean. C'est vrai, t'as aimé mon petit jean? Ouais, j'ai bien aimé, ouais. Non mais c'est vrai qu'on a pas, des trucs là. Nigos, on n'a pas l'habitude de te voir en jean basket. Bah de te voir tout court. Je suis cloné en costard cravate parce que je fais un métier qui fait voilà, on doit être un peu clean, mais dans la vie je suis comme tout le monde quoi. Enfin, t'es crado, je suis tout le monde, t'es un peu crado comme tout le monde. Ah ouais, je pue comme tout le monde. Ouais, voilà. Et là, il est couché sur son canapé avec une chaussette. et il gratte les coucougnettes. C'est le principe quoi, avec un Marcel, avec des traces de bière. Oh quelle horreur, avec le Marcel. Et oui, ça c'est beau ça. Avant même son deuxième jour, Nico ça cassait le mythe. Ouais. Passe-moi la pizza, Manique, t'es le mec. Mais t'es en train de regarder un match de l'Olympiakos? Ah ouais, on rediff il y a 2 ans. Bon bref, on devait avoir encore Nikos, là on avait préparé un truc, là malheureusement ça a coupé, maintenant à mon avis il a dû s'endormir sur le bouton. Non mais c'est pas de la faute de Nikos, c'est de la faute de Micha. Pourquoi? Michel lui a dit revoir. Bah écoute, merci Nikos. Allez, ils sont repassés, moi j'ai pas dit non. Je suis pas dans la radio, dans le standard, dans le téléphone. T'es pas dans la radio, t'es pas dans le standard. Bah oui, mais enfin bon, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah on va s'excuser pour. S'excuser. J'essaie de le rappeler, mais il est fatigué là. Oui, bah oui, oui, bah toi aussi t'es fatigué. Il nous feinte, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Bon, bah c'est dommage. Ça m'en. Putain. J'allais presque dire, ouais, bah soyez là demain, 6-9, tout ça. Bah non. Non, tu diras pas, non. Non, bah non. Écoutez la radio d'en face. Radio Notre-Dame. Ouais. Ah, ça c'est ah, oui, alors là, on sera bien, là. Bon, tu alors, risques alors pas d'avoir, tu risques pas d'avoir Chime sur bon. Radio Notre-Dame. Bon, bah, c'est dommage. Hein. Bon, bah, c'est pas grave, on le rappelle demain pour. Parce qu'on lui avait préparé un petit truc et tout, une petite présentation pour ceux qui étaient pas là. C'est pas grave. Ah, ouais, pour ceux qui connaissent pas Nikos, quoi, tu sais, pour ceux qui étaient pas là ce matin dans le 6-9, puisque c'est Nikos qui anime maintenant le matin. Salut, alors... Lulu, je suis là. T'en tiens, hein. T'en tiens un nouveau là. Bon, je le fais maintenant ou je le fais demain? Mais non, fais-le là, on s'en fout. Ouais. Bon, très bien. Bon, c'est pas grave. Au lieu il est là dans nos cœurs, c'est le principal. Dit-il comme s'il était mort. Tiens la bien fort la branche. Bon, donc concrètement, on lui fera écouter demain, mais cela dit, ça va vous aider peut-être à cerner le personnage pour ceux qui, je sais pas moi, pour ceux qui étaient pas là, qui connaissent pas, qui étaient dans une autre dans un autre monde ces 10 dernières années. Ouais, parce que ça fait un bout de temps que Nico c'est là quand même. Ah bah ça fait un petit. Bah oui oui. Toi, vous allez faire le revival et à l'époque, il était Christine Bravo. Pas du tout, c'est juste un petit récap. Donc, il s'appelle Nikolaos Aliagas. Il faut le savoir c'est aussi. Mieux Nikos, hein. D'origine grecque, qui est né le 13 mai 69 à Paris. Donc, il n'est pas grec. Non, c'est pour ça qu'il est mis d'origine. C'est tout est nickel. Bon, après une enfance difficile à manger de la moussaka et écouter du Nana Mouskouri, le jeune Nikos décide de prendre son avenir en main et devient animateur du karaoké de son quartier. C'est là que sa vie bascule. Il décide qu'un jour, il animera le plus grand karaoké du monde. Pour arriver à son but ultime, Nikos est prêt à tous les sacrifices. Animer la messe sur Radio Notre-Dame, j'en parlais tout à l'heure, remplir les verres de Christine Bravo, présenter le journal d'une chaîne grecque sans audience et bien d'autres épreuves terribles qui l'ont conduit à enfin être repéré par le patron de TF1. Oui. Son rêve va enfin se réaliser. Il devient en 2001 l'animateur du karaoké de la Une. Malheureusement pour Nikos, le rêve s'arrête en 2009. L'émission dont il a tant rêvé s'arrête. Oui. Oui, bah c'est triste, tu sais. Bah oui, mais enfin bon. Pour ne pas sombrer dans l'alcool et la déprime, Nikos accepte le défi de sa vie, réussir à gagner Koh-Lanta sur énergie. Bonjour à tous, bonjour. C'est ici au 22 rue Boileau, dans le 16e arrondissement de Paris, que nos trois aventuriers remettent leur titre en jeu. Nikos, d'origine grecque, ce jeune éphèbe, amateur de feta et champion du monde de Sirtaki, est un passionné de clés USB. Mustapha, le benjamin de la bande, ne manque pas de ressources. Ancien agent de sécurité, il met son agressivité au service de l'effort. Sa force ? Désinfecter ses blessures à l'aide d'un Fanta. Enfin Flo, le doyen de la bande. Sa diplomatie n'a d'égal que sa clairvoyance. Collectionneur de verrues, il est persuadé de ressembler à Marilyn Monroe. C'est alors, ici, sur cette terre, qu'ils vont devoir faire leurs preuves. Trois mots d'ordre, courage et ténacité. Messieurs, je vous souhaite bonne chance et bonne émission. Alors si Mustapha est à un moment ou un autre est gardien de sécu, je pense que je peux dévaliser la boutique. Je m'attendais à ce que vous avez vu l'affiche du 6-9. Oui bah oui, on aurait du mal de faire autrement. Ouais, bah c'est pas obligé. Non c'est vrai, mais enfin bon. Bon et puis quoi? Non parce que Flo ressemble à un fan de Tokyo Hotel sur la si vous avez vu avec les. On dirait Gustave. C'est vrai. Bon donc on lui demandera demain si effectivement nous avons bien résumé donc sa vie, voilà tout simplement. Bon donc Nikos demain de retour entre 6h et 9h avec Mustapha et Flo pour le 6-9 nouvelle version. Vous pouvez d'ailleurs aller voir aussi sur energie.fr. Bon malheureusement il n'est pas en jean et basket hein, Sandro sur energie.fr. Non, c'est non. Pas grave, moi j'aurai la chance de le voir en vrai. Il y a une pose de beau gosse là avec ses deux doigts sur la bouche. Oui, parce que maintenant elle arrive tôt à la radio pour ça. Hein. L'année dernière, il fallait l'appeler. Sandro, t'es où? J'arrive. Ouais. Là maintenant, elle arrive en premier. Voilà, malgré qu'on ait pris sa voiture à la fourrière. Et je viens en courant jusqu'à la radio, putain, je me suis fait enlever ma fourrière tout à l'heure. Tu fais enlever ma fourrière. C'est n'importe quoi. Ma voiture. Ah, t'as mis du temps pour qu'elle. Putain, mais ça m'a énervé, laisse tomber quoi. Ouais. Ça mal, coûte cher. Hein. Alors, il est en train de garer bien en face de la radio. Le pire, c'est qu'ils lui ont compté. Elle serait venue avec, je sais pas moi, avec un Hummer. Ça lui aurait coûté combien t'as payé? 136 euros. Cher. Oh, c'est cher. Sans l'amende. Non, mais c'est pas si cher que ça parce que, en fait, c'est une fourrière qui est dans un parking. J'étais mal garé quand même. Et en fait, dans le parking. Trop, non, mais j'ai donné un pourboire. Quand tu vas dans un parking, c'est payant. Et ben là, ils m'ont laissé sortir du parking sans payer. Oui, enfin, t'as vu tout ce que t'as payé à côté. Oui, bah j'ai quand même économisé 2 euros. Et puis sa voiture était bien gardée. C'est au déjà moins. Ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Mais alors, donc, ils devraient faire des tarifs. C'est le Hummer 136 euros, la Smart 10. Ouais, c'est vrai. Mais non, bah le même prix pour tout le monde. Ah, mais comme la Smart, c'est les voitures de babo en général, ils se gavent dessus. En même temps, il y a pas de différence de prix. Non, et puis c'est vrai. Enlever deux pour le prix d'une. C'est vrai. Bon, avant de faire le chéri, je t'ai fait cocu là. Je crois qu'il est temps de savoir si Shaim a vraiment chopé la grippe A ou pas. Salut Shaim. T'as la grippe A ou pas? Mais non, je n'ai pas la grippe A. Tu mens. Mais non, mais j'ai très bien. C'est vrai que je sais pas d'où sont sorties ces rumeurs. Effectivement, je suis au Canada, donc peut-être que ça a inspiré les journalistes. Mais non, j'ai rien du tout. Justement, je vous ai appelé pour vous prouver que tout va bien, que je vais bien et que ni ma famille ni moi n'avons la grippe A. Ah, en même temps, t'as pas embrassé, hein? Non, effectivement, mais il aurait fallu m'inviter dans les studios. Mais là, en ce moment-là, t'es en genre perfusion ou pas? Non, absolument pas, non. Juste le masque à gaz. T'es en studio avec ton masque, j'imagine. Oui, absolument, je suis enfermé dans le bout comme ça. Ça c'est parce que Camaro pue de la gueule. On est bientôt en France, Shaim, qu'on se prépare. Ben, les relous. C'est pas possible, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer chez moi déjà à l'aéroport. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ma belle? Bah, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, que ça continue encore. Je vis un petit rêve depuis déjà 3 ans, et d'être ici pendant 3 ans dans ce monde-là, ça paraît déjà irréalisable, irréaliste quand on commence. Et de voir que ça se passe aussi bien et que je suis aussi bien entourée, bah, on espère, on touche du bois et puis on espère que ça continuera encore quelques années. Et tu bosses toujours avec Camaro? Ouais, j'ai pas changé d'équipe, toujours une aussi belle équipe qui travaille bien et surtout mon image. T'as chopé la grippe K, quoi. On t'embrasse fort en tout cas. Oh, oh Nico, ça va relever, quoi. On pense à toi et merci d'avoir appelé en tout cas. Il a eu honte. Santé, ma belle, santé, change rien. Merci, bye bye. Bisous. Pas bisous, non, on se serre la paluche. Et encore. On met du gel antibactérien. Et surtout le masque et tout ce qui va avec. Mais t'imagines l'angoisse, parce que des fois quand tu parles, ça t'arrive de tousser. Ah oui, bah sur ton roue. Hein. T'imagines elle, si elle avait toussé, l'angoisse. Ah oui, c'est clair. Parce que tu sais, elle vient la pour panique. Démentir le dos. Ah mais je m'en fous, moi si elle vient, elle va dans la pièce derrière. Non. Ah si, dans un truc en vert là. Parce que tous les garçons de l'équipe s'y opposeront. Ah non, c'est pas pareil, grave. Hein, on fera un caisson hyper bar. Voilà, exactement, ouais. Non, t'inquiète pas, va. Bon allez, chérie, je t'ai fait cocu. Le grand retour, vous l'aviez demandé. Alors franchement, vous l'aviez demandé vraiment, bah, c'est parce que faut pas vous le cacher. C'est vrai que parfois on dit oui, vous l'avez demandé, alors tout le monde s'en branle. Mais bon, ça fait bien quoi. Mais là, vraiment, vous l'avez demandé. Vous aviez pas demandé qu'on revienne. Que chéri cocu. Ouais, voilà, c'est ça. On aurait pu faire que ça, les gens étaient contents. Voilà, et message qui dit Tokyo Hotel, ça arrive. Oui, ça arrive tout à l'heure, rassurez-vous, tout va bien. Bon, Nathalie, ils arrivent, qui est là, 24 ans. Non, ben non. Si, venez 22 rue Boileau pour les autographes, chanson, c'est maintenant quoi. C'est ça, ouais. Bon, Nathalie, 24 ans de Reims, comment ça va, Nathalie? Ça va bien. Ça va bien. Je suis un peu stressée. Mais il faut pas, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Non, bah non, on va se marrer et tu vas perdre, non, mec. Ouais, rien de grave, quoi. Ok, ça commence bien. Donc, non, mais ça... c'est l'équipe aussi. Ça va mal se passer. Salut. Comment? Salut. Oui, bonjour à toute l'équipe. Très bien, mais Toff s'en branle puisqu'il parle, il est en train d'écrire un texto. Pas du tout. Non, il allait faire un sudoku. Un sudoku, ouais. C'est encore pire. Bon, alors, Nathalie, on va appeler donc ton mec pour le chéri, je t'ai fait cocu. Petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière. Donc, on appelle ton mec, tu lui fais croire que... tu l'as trompé, en l'occurrence avec moi, ou peu importe. Et donc, plus il s'énerve, plus tu gagnes des galops. Okay. Sauf s'il pleure. S'il pleure, tout est perdu. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on, à la différence de la prod de Secret Story, nous, on a une morale. Ouais, petite. Mais hein. Il va y avoir mauvaise, petite. Parce qu'en fait, ce matin, on a acheté un appartement ensemble. Ah, c'est bien, parfait. Ah oui, bah c'est oui. Bah. Là, c'est bien, là, c'est bien. Et donc voilà, c'est vraiment le jour où il était tout content et... Ah ouais, bonne là. Nouvelle. On a signé pour l'appartement. J'ai testé le lien avec un autre. Ouais, dans la nouvelle chambre. Mais c'est parfait. J'ai une bonne nouvelle, on aura un colocataire bon, au début. Alors, en deux mots, comment ça va se passer? Donc on est censé s'être rencontré où, tout ça? Je suis infirmière, en fait. Donc, très bien. Je pensais qu'on se serait rencontré aux urgences. D'accord. Et il t'aurait démonté entre deux Baxter. Ouais, voilà, il y a genre un mois et demi, un truc comme ça. D'accord. Et ouais, voilà. Ok, donc je suis médecin, enfin je suis infirmier aussi ou je suis patient? Non, patient, je pensais, c'était plus... D'accord, ok, très bien. Pire. Bon, comment je m'appelle Georges comme tu Georges. Veux, non, pas. Comment il s'appelle dans Urgence, Georges Souzet? Je sais plus. Oh putain, alors je sais t'as plus. T'as tes questions, toi, où Jack, comment il s'appelle? C'est quoi la question? Georges Souzet dans Urgence. Appelle-toi Jonathan, il est pas mal aussi. Je sais pas quoi. Oui, ça n'a rien à voir avec Secret Story. Merde. Bon, bah si. Il y a le docteur Green, je sais, il y a le docteur Carter. Ouais, mais non, mais laisse tomber. Bon, bah, te casse pas la tête, je m'appellerai Jean, je serai parfait. Bon, on y va, on l'appelle. Bonne chance, Nathalie. Au plus tu l'énerves, au plus t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Droit au but, hein. Ok. Allez, hop. J'espère qu'il est là. Et allô ? Allô, mon cœur ? Allô ? Oui. Allô, mon cœur ? Oui. Oui. Comment dire ? J'ai passé une super journée avec toi, mais là, ouais, je... J'ai pas arrêté de repenser en fait depuis ce matin, depuis qu'on a signé. Il y a des trucs, faudra voir avec. Oui, mais attends, j'ai un truc à te dire. J'ai un truc sur le cœur et je me vois mal emménager avec toi sans te le dire en fait. Voilà, il y a un mois et demi environ, je t'ai fait cocu. Oh bah, drôle, bud. C'est ce que tu lui as demandé, hein. C'est vrai. C'est une blague. Non. Oh, juste un one shot. Mais je voulais attendre qu'on ait signé et enfin, je voulais pas te laisser, quoi. Mais là j'arrive pas. C'est pas une blague. Non. Tu sais que ce matin, je me suis quand même endetté pour 30 ans avec tes. Ah oui, sur 30 ans, oui c'est long. Encore 20. Putain. Oui. Même 20. Mais enfin c'est quand même mieux d'être honnête dans un couple, quoi, non? Être honnête, ok. Et tu savais pas être honnête avant ce matin? Bah, non, Putain, mais c'est qui? C'est qui? Mais tu le connais pas, tu connais pas, c'est un patient à l'hôpital. Putain. Et ça fait combien de temps? Non, c'était juste une fois. Enfin, on se revoit un peu, mais parce qu'on a sympathisé, mais... Mais il y a un mois et demi. Mais putain, mais vous... Bon, t'as fini au téléphone, là, Nathalie, là, on va pas y passer la nuit, hein. C'est qui, lui, là? Ben, c'est lui, c'est Georges. En tout cas, je suis ravi d'essayer l'appartement que tu vas avoir. Hein. Quoi, vous êtes à l'appart, là? Ben, ouais. Mais putain, mais t'es malade. Écoute, bon, faudra juste mettre quelques meubles, mais ça va être bien après, hein. Mais qui ferme sa gueule, lui, mais vous dégagez de là, putain, c'est mon appart, mais vous dégagez de là. Oui, ça c'est notre appart, on va vivre ensemble, hein. Oui, enfin, je verrais bien Bordeaux et gris pour le mur du salon. Mais qui ferme sa gueule, lui, putain. C'est notre appart, pour l'instant c'est mon appart, c'est ma signature qui sert sur ce truc, ça va? C'est moi qui me suis endetté pour 30 ans pour ce truc-là. Et je vois pas pourquoi faut tout de suite remettre tout en question comme ça, enfin voilà, moi je voulais être honnête. Ça va, mais t'es avec l'autre branleur là dans mon appart, mais c'est pas... Mais il est bien, tu le connais pas. En tout cas, c'est joli, hein. Il va fermer sa gueule, lui. Oh, c'est pas mal. Vous êtes à l'appart, là? Oui. Oui, bougez pas, je vous... Non, mais attends, mais t'énerves pas comme ça. Non, il a raccroché, Nat. Attends, bouge pas, on va essayer de le rappeler juste après la pause. Tu restes là? Retour avec le chéri, je t'ai fait cocu, la suite maintenant avec Nathalie, le retour. Et Nathalie, il y a un message qui est arrivé de positif au 612 qui dit: ce mec est un hyperactif. Ouais, non, juste un peu vénère, c'est normal. C'est jamais entendu aussi le vénère. Non, mais en même temps, non, mais c'est normal. Sans déconner. Attends, c'est à dire qu'il y a un moment, vous achetez votre rapport, vous signez aujourd'hui, et tu lui dis, ouais, je voulais attendre qu'on l'ait signé. Parce que comme ça, tu l'as bien dans le cul maintenant. Voilà, mais non, tiens, je t'ai bien mis profond là. Bon, on va le rappeler, le pauvre. T'as eu des nouvelles entre temps? Il t'a envoyé un texto ou quelque chose, non? Non, il m'a raccroché à la gueule, donc j'espère que là, c'est bien. C'est bien, on fait ça, c'est alors. Parfait. C'était la moindre des choses quand même. Oui, c'est vrai. On fait une grosse teuf dans son appart alors. Ah oui, bah alors. Ça faut l'inaugurer, hein. On fait la crémaillère. Hein, parce que non, mais non, on va pas lui dire. Non, bah, pas tout de suite, on va attendre un peu d'abord. C'est de la merde. Hein. Attends, on fait une crémaillère? Non, vite fait, ils ont signé aujourd'hui, ils peuvent pas non plus. Faut faire péter la bouteille. Oui. On a ça en stock. C'est bien le seul bruitage que j'ai en stock. Et par contre, il y a un peu de poussière, donc si tu veux sortir l'aspirateur, c'est. Attends, hop là. J'ai la théière déjà. Voilà, ouais, enfin la théière pour une crémaillère, si tu veux, on va pas se faire chier. Tu me fais un thé pour fêter la crémaillère. Parfait. Bon, allez, on y va. Ça me donne envie de pisser. La sonnette. On le rappelle. Attends, non, on fait pas la sonnette. Il connaît sa sonnette quand même, j'espère. Ah ouais, tu connais pas la tienne? On va frapper à la porte, c'est mieux, ouais. Bon, allez, on y va, on le rappelle. Nat, tu dis, mais enfin, je comprends pas pourquoi tu me raccroches au nez et tout, t'es fou, c'est pas si grave. Dis-lui les points positifs, on l'a quand même signé et tout. Ouais, c'est qu'un coup de bite. Allô? Allô, mon cœur? Quoi? T'es où? Bougez pas, j'arrive. Non, mais attends, calme-toi. Non, mais y a pas d'attente, putain, je me dis. Mais il y a moyen de discuter, chou, c'est pas si grave. Je me casse le cul 14 heures par jour pour ce putain d'appart, et toi, tout ce que je trouve à faire, c'est tomber en l'air dans mon appart avec un Georges. Georges, putain de con. Ah, il avait pas quitté Georges. J'ai envie de ma vie, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Achète-toi un god, je sais pas moi, putain. Il y a des clubs partout si tu veux complimenter des trucs, mais pas dans mon appart. De toute façon, j'arrive. Le problème, c'est l'appart. Calme-toi. Non, mais ça sert à rien de se dévenir. C'est dans cet état-là, non, ça sert à rien. Bon, alors, on va faire la fête. Je suis en route. Je vais faire un pop-up, moi, ton genre. On a signé pour 30 ans, là. C'est bon. Il y a des choses plus solides dans la vie, quand même. Oh, Nat, ça va. Vas-y, raccroche, là. Je suis bien avec mes potes, en plus, là. Putain, mais vous êtes combien, là? C'est-à-dire que là, on s'est fait une petite semaillère improvisée. Allez, hey, vous avez l'appart depuis aujourd'hui, c'est ça? Putain, ouais, c'est ça. Je vais te péter le champagne pour ça. J'arrive, je me suis fait un ventriloque. Je vais faire un ventriloque. Je vais faire une brochette de pop-up, tu vas voir. Putain, mais c'est quoi? Oh, Nat! Je te jure, j'arrive. Oh, merde, la vitre! Je suis désolé. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes déjà assuré ou pas? Il fait rien, c'est pas grave. J'ai juste le miroir qu'il y a dans le couloir là. C'est quoi cette soirée? Il y avait pas de musique. Non mais elle va venir. Attends. Nat. Ouais. À la limite, va nettoyer les vitres là. Mais on s'en branle de ce que le genre se fait. Allô. C'est quoi ce délire? Fred. Allô. Bah, elle est partie nettoyer un petit accident, rien de grave. Mais dégage de là, t'es qui toi? C'est Georges. Georges, écoute, j'arrive, je vais te faire un pop-up, je vais te retourner, tu bouges pas, t'as intérêt à te dégager quand j'arrive. Ta gueule, me parle pas. Mais j'ai une bouteille de champagne, on va fêter la signature là. Passe-moi ma femme. Hein? Passe-moi ma femme. Je peux pas, elle nettoie là. Attends une seconde, non mais je peux pas aller toi, je te dis. Tu me passes ma femme. Attends, putain. On fait péter le champagne un petit coup. Mais je t'emmerde avec ton champagne, je te fous dans le cul, tu me passes ma femme. Ah bah non, c'est à dire qu'on va te faire péter le truc là, la signature. Écoute-moi bien du coup, je vais te l'expliquer gentiment. C'est Georges, moi c'est Georges. Je te passe ma femme. Ouais. Je te jure que quand j'arrive, je te refous la gueule en travaux. Alors tu me passes ma femme, putain. J'ai fermé la porte à clé. Mais t'es vrai, hein. Jean-Mi, il a ramené un coq. Putain, mais quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? C'est le coq le coupable là, de la vitre. Bon attends, Nat, bon je te le repasse dans ce monde là. Et merci pour le verre par terre. Hein. Mais putain, c'est pas grave. Putain, Nat, moi je te jure j'arrive. Je suis là dans 5 minutes. Mais ouais, il y a plein de gens, on va faire la fête, ça va être cool. Oui bah 5 minutes, je suis là. Je suis là dans 5 minutes. Je commence un peu à boire là. Ouais, oui, bah écoute, merde la bouteille. Bougez pas les gars, vous voulez de la fête? Et bon, on va avoir de la fête, bougez pas, putain. Et il peut pas ramener une bouteille de rosé? Oh là, il a raccroché. Il a l'air tendu du cul quand même, hein. Oui, ouais, il a l'air assez vénère. Mais t'as vu comment il est vénère là, 30 ans sur si tout se passe bien, 80, qu'est-ce que c'est? Bah c'est ça, 30 ans, voilà. Sachant que tu ne le trompes qu'une fois tous les 3 ans. Bon, ça fera 10 fois. Ça fait 10 fois, ouais. Voilà, bon alors on le rappelle une dernière fois parce que j'ai peur qu'il nous fasse un infarctus. Non mais moi c'est vrai. Alors ils viennent signer. Là, il dehors, hein, il fait... Nathalie, il si je puis me permettre, normalement quand on signe un prêt, il y a les assurances vie. S'il nous fait un infarctus ce soir, tu dois pas payer la moitié de l'appart. Ah non. Eh, tout bénef. Ouais. Bon, je prends bon conseil que tu viens de donner. Arrête. Arnaquons l'assurance en direct à la radio. C'est pas une arnaque, il est mort. Hein. Tuons-le. Voilà. Non, allons, parce que là, à ce moment-là, il y a fraude et tout. Enfin attendez, je gère, hein, Nat. Quoi? Oh Fred! Quoi? Bon vas-y mec, viens faire la teuf avec nous là! Ouais, bah bouge pas, c'est chou. Dans 3 minutes, je suis là, bouge pas! Bon Fred! Fred, reste quoi, calme! Quoi? T'es tout près de l'appartement là? Ouais, je suis à 2 minutes là! Je suis à 2 minutes! Bon vas-y! Charge du camion! Oh là là! Mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Bon, Fred! Putain, je vais me réveiller, c'est pas possible! Fred, bah non, t'es déjà dehors là! Fred, t'as ce coq qui me rend fou. Mais Fred, quoi? Wow. J'espère que t'as prévu quelques trucs là pour un peu arranger l'appartement parce que tu vas te retrouver tout seul dedans. Alors tant qu'à faire, quitte à avoir fait le déplacement, autant arranger un peu les murs, faire la peinture, enfin je sais pas, quelque chose quoi. Ouais mais ça me sert tout seul dedans, je vais retrouver tout seul, je peux te garantir que vas-y, tu la veux, tu vas la prendre. Tennis. Tu la veux, tu vas la prendre. Putain, tu peux la garder maintenant. Tout ce que je veux, c'est que vous dégagez de chez moi quoi. Ah non mais j'en veux pas là, moi j'en veux pas là. Bon Nathalie. Ouais. Bon, dis-lui. Chou. Quoi? Je t'aime, c'était une blague. Non, dis-lui la vérité qu'il n'y avait pas que Georges. Arrête, c'est fou, arrête, c'est quoi, j'étais quoi, là, le truc. Mais, je suis, c'est une blague, c'est une blague. Non, franchement, c'est vraiment de mauvais goût. Elle t'a pas trompé, mais on est quand même en train de roumaniser ton appart, hein, ça c'est vrai. Mais putain, c'est quoi cette histoire? Bon, c'était une vanne de merde. Dans ton appart, on a cassé des trucs et on savait pas comment te le faire passer pour que ça passe bien. Voilà, c'était une vanne de merde, t'es sur Radio Notre-Dame, on est désolé. On a fait une blague de merde. Mais... ça arrive. C'est quoi ce bordel? Non, c'est pour rire. C'est une blague. C'est une blague. Oui. C'est une blague. Bon, ok, d'accord. T'es le seul à pas avoir ri. En général, la blague, en général, tout le monde rit au final. Bon, là, sur le coup, non. Ah, s'il a pas d'humour, c'est pas le problème. Bah, c'est ça. Bon, c'était Fred. T'es con, quoi. Fred. C'était le chien. Oh, mais yo, il est parti nouveau, là. Il va pas nous la faire à chaque fois, là. Il a dit, de toute façon, t'es con. C'est le grand amour. Et tu vas rester 30 ans avec ce monsieur. Faut vraiment être con pour jouer à ce jeu-là. Putain, tu le rappelles? Bah oui. Ah, okay. Au moins lui dire au revoir. En tout cas, c'est ce jeu permet de dire des vérités. Bon, Fred, tu vas pas me raccrocher au nez 10 fois? Tu veux que je vienne te péter la gueule ou quoi? Mais tu... Eh, ça va, tu me parles autrement, ça va? Non mais je rêve. Je te rappelle que je travaille, je suis collègue avec Nico Saliagas. Ah ouais, ça c'est une carte de visite. Hein. Alors s'il te plaît. Bon, t'es en direct à la radio sur Énergie, Fred, c'est une vanne, c'était le chéri, je t'ai fait cocu. Mais putain, vous avez rien d'autre à foutre les gars. Ah non, on sort là, non. Pourtant on a cherché, hein. Ouais, on a bien cherché. On a pris une semaine pour trouver autre chose et on a rien trouvé. Non. Bon, putain, je suis en bas de l'appart en plus. Bah justement, c'est ce que je te disais, j'espère que t'as prévu un petit marteau et tournevis pour arranger, tu sais, faire un peu la déco quoi. Tu t'es déplacé pour rien pour le coup. Voilà, ah ouais. tant qu'à faire, moi je bosse là-bas. Hein. Moi j'aurai la haine, hein. Bon, Nat, fais les plaintes ce soir. T'es où là toi techniquement? T'es chez toi et lui chez lui, enfin c'est, vous habitez pas encore ensemble? Non, on habite pas encore ensemble. D'accord, bah vous allez pas habiter ensemble, hein. Mais si, c'est Chou, tu m'entends? Ouais. Mais... En plus, c'est la honte, elle t'appelle Chou à la radio, mais me fais plus jamais. Putain. C'est elle qui s'est inscrite en même temps. Par contre, achète-toi des mots, hein, parce que ça a l'air compliqué. Bon, t'as l'air un peu... Mais c'est normal, c'est la surprise, tu t'y attendais pas, tout ça. Maintenant, tu vas te rendre compte que tu l'aimes encore plus qu'avant parce que tu as cru que tu allais la perdre. Et au final, tu ne la perds pas. Et c'est ça qui va montrer que cet amour est là, est beau et... On dirait Roberto. Roberto, ouais. Rappelons aussi qu'il l'a traité de conne. Oui, c'est vrai. Par contre, Chou, on fait quoi du coq? Mais je vous emmerde d'abord. Et Nat, quand tu rentres tantôt, on en parle. Bah, je te pète ta gueule. Quoi? Mais non, Nat, déjà arrête de l'appeler Chou, c'est sur Alice le pauvre. Mais on s'appelle comme on veut d'abord. J'ai envie de m'appeler Chou, et puis voilà, et puis... La bébé Kadam, le gardien. Mon petit croissant. D'abord. Bon, Nathalie, on va vous filer une PS3, comme ça vous la mettrez dans le salon, il n'y aura que ça, hein. Bon, il n'y a pas la télé qui va avec, mais vous aurez au moins ça, c'est déjà ça de prix, hein. Ah bah merci beaucoup. Voilà. Bon, t'es content, Fred? Ouais. Attends, t'as une PS3, mais... Ouais, merci. Ouais, bah de rien, hein. Terrain, non, merci, merde. Encore un, tu dois remercier, non, mais je rêve. Bon. Okay, mais ça va, mais merci. Mais, il est un peu trop blessé. Nat, je te jure, on en parle tantôt, mais... Nat, si tu prends trop la tête, tu lui diras qu'il t'a insulté devant la France entière, parce que la France entière écoute cette émission, et t'as quand même traité de conne devant tout le monde, et ça, je trouve ça dégueulasse. Le monde entier. Oui, mais la pléchou, nous, on diminue pas comme ça. Comment inverser les... Désolé. Oui, mais ça ne dérange pas, lui, il a dit. C'est vrai, c'est vrai. Non, en même temps, je t'étais cocu, hein, chérie, donc... Ah, c'est vrai? Mais non, mais... Ah, mais... L'art de se mettre dans la main tout seul. Mais non, c'est génial, voilà. C'est bon, bien. Nat et Fred, je vous repasse Michel en standard, d'accord? Ouais, ok. Salut à vous deux, à bientôt. Ciao, bye bye. Bon, si vous voulez vous inscrire au Chéri, je t'ai fait cocu, on remettra peut-être le couvert demain ou on fera peut-être un GAV, ça m'a redonné l'idée de refaire avec notre ami Jean-Claude tout à l'heure. Attention, pas notre Jean-Claude, hein. Non. Ah, Elfassi, oui. Ah oui, Jean-Claude Elfassi, bien évidemment, au niveau de la garde à vue, puisqu'il y a passé pas mal de temps. 3 jours. Récemment, 48 hein, 3 jours. Ah oui, parce que c'est bizarre. Ouais, 48 heures, effectivement. Bon, et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc 612, débuté par Mickaël, puis vous mettez chéri avec votre numéro de téléphone pour faire un petit chéri, je t'ai fait cocu. Ou alors sur le www.mickaël.fm. Voilà, et puis comme j'en parlais tout à l'heure, là, il y a un moment quand je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont encore en vacances, Alors que nous, si tu veux, on a retaqué le boulot, tout ça, il y en a qui sont encore au soleil, ça me dégoûte. Ouais, ça va, on n'est pas non plus les plus à plaindre, tu vois. Non, j'avoue, effectivement. Et puis surtout, personne nous casse les couilles, là, de ce qu'on a fait de nos vacances, tout ça, etc., etc. Mais bon. C'est quoi le rapport? Tu veux nous dire quoi, là, en fait? Ah oui, pardon. En fait, j'aimerais pas être à la place d'Obama, là, par exemple. Tu vois, le mec se paye en fin des vacances, parce que le mec, il a quand même... Tu sais, il est... Bon, ok, il voyage souvent, mais bon, dans quelle destination, quoi? Il va en Irak, tu vois. Il voyage, quoi. Tu vois, il y a des moments, c'est pas la classe. Donc, il se dit, le mec se paye enfin des vacances, et tout le monde lui pète les couilles. Pourquoi? C'est des vacances qui sont chères, je sais pas. Bah, c'est des vacances de président, quoi, tu vois. Une semaine sur une petite île huppée, dans une villa, pour 17 500 € à 4 avec le chien. Ouais, putain, quand même, ça fait cher. Oui, mais enfin bon, en même temps, c'est lui qui paye de sa poche, quoi, tu vois. Bon, ok, il a pris Air Force One et tous les mecs de la sécu, mais bon, quand même, je veux dire, si tu peux pas te faire un petit kiff quand t'es président, quand t'es le président du monde, quand est-ce que tu vas pouvoir le faire? En fait, moins t'es important, plus on te fout la paix. Aussi, regarde qui a cherché à savoir ce que vous êtes off pendant ces vacances. Oui, c'est pas faux, effectivement. Quelqu'un l'a appelé? Toff? Non. Non? Non, poste des questions, tu vois. Ouais. Bon, sinon qui dit vacances dit amour de vacances, et forcément ça arrive aussi quand t'es fils ou fille d'homme politique, sauf que t'as pas toujours les mêmes valeurs que tes courtisans. Ah, tu vas nous parler de la fille de Fillon là qui s'est fait draguer au Club Med. Presque, c'est Chelsea Clinton en fait, la fille de l'amateur de pipe, de cigare, pardon. Oui. Ancien président des USA dont la femme, donc Hillary, était au Kenya. Non, c'est Hillary. Hillary, le H. Hillary Clinton. Donc tout se passait bien jusqu'au moment où un homme de 39 ans, en fait un Kenyan, hein, demande Chelsea Clinton en mariage avec en échange 40 chèvres et 20 vaches. Ouais, et elle a répondu quoi alors Hillary. Hillary, que c'était sa fille, de décider en fait, mais qu'elle lui transmettrait l'offre. Voilà, ça les vaut pas, tu sais, 40 chèvres et 20 vaches pour une meuf, jamais de la vie. Alors toi en même temps, en tant que fan du PSG, t'as l'habitude qu'on paye pour acheter des chèvres, hein, pas l'inverse. Non mais c'est vrai. Alors bon, mais franchement, en me forçant, je peux pas rire à ta vanne pourrie. Mais nous, on peut rire pour toi. Vas-y, si vous êtes des beaufs, c'est le problème. Hein. Je n'ai qu'un mot à dire, Kelsman. Bon, j'en ai plusieurs sur lui à dire. Sinon, mauvais, c'est ça. Rubrique, on parlera du foot tout à l'heure, t'inquiète pas. Bon, sinon, rubrique vacances, donc toujours, évidemment. Je sais pas si vous vous souvenez de cette enquête là qui défonçait les touristes français. Ah oui, bah comme quoi c'était les pires touristes du monde. Voilà, bah en fait, c'est Expedia.com en fait qui a interrogé 4000 employés du monde de l'hôtellerie. Et la conclusion est que les Français sont pingre, désagréable, mal poli et ne ferait aucun effort pour parler la langue locale. Bah, du coup, beaucoup de journalistes ont voulu vérifier ce sondage, comme par exemple les reporters d'Enquête Exclusive qui ont voulu en savoir plus. Dans le cadre des dossiers de l'été, Enquête Exclusive a décidé d'observer le comportement des touristes. Nous suivrons Jean-Jacques de Calais en vacances à Marrakech. Ouais. Et Mounir de Casablanca en vacances à Paris. Bonjour. Enquête. Première séquence de notre reportage, on découvre Jean-Jacques au souk de la place Jemaa el Fna à Marrakech. Il est en pleine négociation. Enquête. 80. Non, 650, Sidi. Bon, on peut marchander, oui, allez, 120, on n'en parle plus. Ah, Sidi Zouli, Libabouche, 650, Sidi. Bon, 140 € et on n'en parle plus, quoi. 140 €, et ça marche, Sidi. Et ben voilà, on est passé de 200 dinars à 140 €, c'est parfait. Oui, c'est d'ici parfait, hein. Mais vous négociez toujours en Iros? Ah oui, le dinar c'est pour les pauvres. Ah, déjà qu'on vient chez vous, je vais pas non plus utiliser votre monnaie de crevard là. Très bien, vous allez être très bien reçu ici, Sidi, hein. Voilà vos babouches. Mais excusez-moi, vous êtes français? Ah, exactement. Ah, eh bien repassez me voir quand vous voulez, hein. Découvrons maintenant le quotidien de Mounir, marocain en vacances à Paris, qui souhaite acheter 1 kg d'orange au marché de Levallois. Enquête. 1 €. C'est 4 €, monsieur. 2 €. Monsieur, s'il vous plaît, il y a du monde derrière. C'est 4 € le kilo d'orange ici. 2 € plus un chameau. Mais c'est pas possible. On marchande pas ici, monsieur. T'es dur en affaire, la gazelle, hein. 2 € un chameau plus mon fils Momo. Vous êtes marocain, c'est ça? Exactement. Allez, dégage. Retrouvons maintenant Jean-Jacques dans la plus grande boucherie halal de Marrakech. Enquête. Salam alaikum. Ouais, les loukoums de salam aussi, ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre 3 tranches de jambon de Bayonne, mais bien fines, hein, s'il vous plaît, les tranches. Ah non, on n'a pas de ça ici, Sidi, hein. On fait pas les halouf, vous savez. Non, mais je vous ai pas demandé de l'ichalouf, là, ou je sais pas quoi. voudrais trois tranches de jambon, il a compris, autochtone. Excusez-moi, vous êtes français? Ouais, pourquoi? Non, pour rien. Et avec ça? Retour à Paris, où Mounir, notre touriste marocain, découvre l'hospitalité française dans un bistrot de la capitale. Enquête. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut? Je voudrais un thé à la menthe, s'il vous plaît. Pas de thé ici. Et un petit noir? Un petit noir? Mesquine le cahloche. Non, merci. Vous auriez autre chose, s'il vous plaît? Bière. Ah, j'y suis désolé. Je ne bois pas d'alcool. Eh ben, tu sais pas ce que tu veux. Comment ça, pas d'alcool? Vous êtes marocain? Exactement. Eh ben, s'il consomme pas, il va gentiment rentrer chez Fatima. Allez, ça dégage. Retour à Marrakech, et plus précisément à l'office du tourisme, où Jean-Jacques n'est pas content. Enquête. Je fais plus de 2000 bornes pour venir, ça fait quand même 3 heures d'avion. Je respecte les coutumes locales. Tiens, regarde, je bois que de l'eau minérale. Je comprends rien à ce que vous me racontez avec votre accent à la con, et je fais quand même semblant. J'ai même acheté une paire de vos babous charentaises, là, je sais pas quoi, que j'ai eu pour 3 fois rien cependant. Et la semaine à Marrakech me coûte 899 €, et dedans, y a pas la mer. Vous me prenez pour un con ou quoi? Excusez-moi, vous êtes français? Quoi, je suis français? Évidemment que je suis français, ça se voit pas? Oh si, messieurs, ça se voit. Nous retrouvons Mounir qui s'est perdu dans Paris. Il a heureusement trouvé un agent de police pour lui demander son chemin. Enquête. Excusez-moi, pour aller à la tour Eiffel, s'il vous plaît? Non, Eiffel. Oui, c'est ça, tour Eiffel, s'il vous plaît. On dit Eiffel. Dites-moi, vous parlez pas la langue, vous venez pas d'ici, vous? Exactement. Roger, viens là, je crois que j'en tiens. Dites-moi, monsieur, vous êtes marocain? Ah non, monsieur, ça va pas. Ces gens-là, je les déteste. Moi, tout ce qui était à la menthe, marchandage, vas-y que je te donne un chameau et ma fille. Ah non. Moi, je suis dit Toulon. Ah, désolé, bienvenue à Paris, monsieur. Voilà, donc enquête exclusive a réussi. Quotidien des vacanciers, hein, c'est dur. Voilà, ils ont enquêté et ça c'est beau. Mais pour une fois, c'est pas une surrediff de surrediff. Ah oui, ça c'est vrai, effectivement. Ah putain, ouais, tout l'été ils nous ont rediffusé. Ah ouais, bah ouais, mais c'est l'été. Ils vont le faire toute l'année aussi, tu vois. Ah ouais, tu vas voir, hein, c'est clair. Bon, dans un instant, le roux. Ouais. On va parler foot. Ouais. Oui. Resté dans le personnage. Ouais. Bah oui, bah je suis français. Hein. Alors. Et on va parler de foot. C'est marcher sur les pieds parce. Hein. Hein. On va parler foot. De foot de quelle nationalité? On va parler de Ligue 1. Ah, du foot de merde quoi. Ah non, foot de merde, c'est ton foot belge là, de trou du cul. Ça c'est pas faux. Oui, d'ailleurs une pensée pour Anderlecht. Ah ouais, mais 5 pensées. Bah c'est demain soir hein, le match retour. Ouais, enfin bon, méfiez-vous, il suffit qu'on marque 4 buts hein. Ouais, bah il suffit que. Ah ouais, c'est deux fois rien quoi. Ah ouais, c'est quelque mais chose. Mais alors par contre il faut que Lyon mette rien hein, aussi hein. Ouais. Voilà, c'est ça, d'accord. Et en Europa League aussi, Lille qui joue contre Genk. Ouais. Bah il suffit. Oh Sandro, tu nous fais chier avec ton foot là, putain. Non mais bon, on va déjà en parler tout à l'heure, donc nous soulez pas dès maintenant. Ah bah d'accord, alors là, alors pour lui faire plaisir, à la rentrée on a parlé pendant 2 heures de son émission pour une Secret Story là. Oui mais vous l'avez fait juste aujourd'hui. C'est vrai. On parlera pas demain ni après demain. Ah je te confirme. Ouais. Bon, le roux, oui j'en avais parlé effectivement. Roux, allez c'est parti, l'info footballistique. Ah, c'est l'info foot allemande. Ouais, j'ai reçu un mail d'un auditeur qui nous écoute par internet depuis la Belgique. Déjà merci à toi. Et puis on critiquait pas le foot belge, hein. C'est juste qu'il y a un moment. On peut le critiquer quand même le foot belge. Ouais, non, mais le coup, pendant toute la semaine. Sur le coup, ouais, avec Anderlecht Lyon, bon bah il y a un moment ils ont pris une branlée, c'est ce que je lui ai répondu par mail. J'ai trouvé franchement en écoutant la radio, en regardant la télé, franchement les Français ils avaient été abusés avec les Belges. Ouais. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai des Belges dans mon entourage et que. Pourquoi? Bah, ils ont quand même dit que le football belge c'était pas mieux que la Ligue 2, c'était de la merde. Même pas que de la Ligue 2. Franchement ils ont été assez violents. Et sur c'est le pas football vrai belge. Bah c'est non mais. Il y a moins de moyens, t'es clairement. Par contre, ils sont moins bons, hein. C'est pas qu'il y a moins de moyens, ils sont moins bons. Ce qui serait beau pour refermer leur gueule à ces putains de Français, ces connards français. Je suis en train de te défendre là, défendre. Je sais, mais je parle pas de toi, je parle de ceux qui attaquent les Français. Demain c'est 4-0, demain c'est 4-0. Mais 6-0. Non, ça c'est pas possible. Je rigole. Je crois que ça va être dur. Si le gardien lyonnais est pas là, si. Qu'est-ce qu'il y a demain? Il y a un match de qui contre qui déjà? Anderlecht. Non, Lyon Anderlecht. D'accord. Non, Anderlecht Lyon. Une équipe française contre une équipe belge. Voilà. Mais Coupé a quand même dit qu'il n'était pas tout à fait satisfait du jeu du PSG. Ah, il a pris un but. Ah, c'est ça. D'accord. Okay. Ouais, mais c'est pas le même, c'est pas la même équipe. Hein. Oui, oui. Non, non, mais de Lyon, là. Oui, c'est vrai. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ouais, parce que tu sais pas trop. Comme d'hab, t'as voulu parler de ses sœurs, hein. C'est ouais, comme quand tu parles de sexe. Oui, il avait une info, il voulait la placer. Bon alors, comment ça s'est passé la reprise? Lyon, c'est pour ça. C'est ça, ouais, ouais. Bah plutôt bien, parce que si on fait un tour au niveau du classement, en numéro 1 il y a Bordeaux, ouais, qui apparemment est juste meilleur que l'année dernière. Ils ont encore gagné 4-0, hein. Tranquille, ouais, tranquille. En numéro 2 les Lyonnais, Paris est 3ème. Ah oh, fort hein. Oui, trop vite. Allez Paris. Et Marseille est 4ème. C'est ça que tu cherches, trop? Non, voilà. Je cherche rien du tout. C'est, je cherche les informations, ouais, c'est ça. Donc, et voilà. Marseille qui joue contre Bordeaux ce week-end, si ouais, Marseille, ouais, c'est possible. Ou Bordeaux-Marseille, à Montpellier, mais... alors du coup. Ouais, bah non, c'est ça qui est... Si, si, Marseille joue pas chez eux. Mais oui, parce qu'en fait, il y a Madonna qui a fait un concert à l'Olympique de Marseille et la scène s'est écroulée. Ah oui, autant pour moi, c'est vrai. Du coup, il y a la casse. Bon, donc alors? Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Bah, je sais plus, au niveau du classement. Ah bah voilà. Sinon, il y a Auxerre. Auxerre, c'est quand même une catastrophe. Ils ont pris une valise hier, 3-0, et ils ont 0 points. Pas une valise, 3-0, c'est une lourde défaite, c'est pas une valise. Attends, c'est perds 5-1, tu vas voir ce que c'est une valise. Non mais oui, d'accord, mais tout, bon, vous êtes belge. Tout le monde ne savez, peut pas être aussi mauvais. Vous savez à quoi vous attendre. C'est ça, pauvre con. Mais bon, sinon, quel entraîneur a dit à la mi-temps, j'ai dit aux joueurs que pour la première fois de ma vie, je ne savais pas quoi leur dire, tellement ils ont fait une première période fantastique, ils ont fait un match formidable, bien géré. Bah, l'entraîneur de Manchester. Non. Du Barça. Non, du Mans. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. Ah, le mec il est pas difficile quand même. Le Mans, bah, apparemment ils ont super bien joué. Ah le mais Mans, c'est Paulo Duarte. C'est Paulo Duarte, ouais, ah, le portugais, ouais. Qui parle un français. Il parle un français très portugais, ouais. Ouais. Quand est-ce que tu nous fais écouter? Je suis très content de le match ce soir. Bah je te ferai écouter quand il dira des trucs drôles. J'ai pas réussi à trouver. J'entends souvent par contre il se plaint de ses défenseurs sur les coups francs. Il dit que le mur est pas à bonne distance. Ah oui, drôle, ils sont ça. Pointillés au niveau du mur, ils s'y connaissent. Ouais, c'est des spécialistes. Encore des vannes communautaires, ça. Donc, y est. Le Mans a battu Nancy 2-1. Bah Paris a évidemment gagné. Hein. Ouais, ça a été dur, hein, si je peux me permettre. Ah, hein. J'aime bien le évidemment. C'est ça, ouais. Bah, très haut la main, 3 buts hein, quand même. Oui, quand même. Mais, deux mais, pour Valenciennes. Oui, 2 pour Valenciennes. Ouais, mais à partir du moment où t'en mets 3, tu peux en laisser 2. Ouais, ça, bah, ouais. T'as raison, ouais, c'est ça. À un moment donné, faut pas oublier que c'est Camboiré. Donc c'est l'ancien club de Camboiré et Valenciennes. Et quoi, ils ont été un peu cool, c'est tout. Par contre, tu étais très méchant vis-à-vis de Camboiré. Tu as l'air de l'aimer un peu plus. J'ai jamais été méchant. Aussi, tu as dit qu'il était pas très bon. Non, je dis ça, je ne sais pas. Non. Alors là, j'ai dit ça. J'ai dit qu'il était dans pas le jeu, peut-être. Non, j'ai dit que ça m'inquiétait, mais j'ai jamais dit qu'il n'était pas bon. Ah, autant pour moi. Mmh. Ah, autant pour toi. Bon bref, j'avais alors mal compris tes propos. Non, si, je te jure, tu t'es trompé. Paris qui s'intéresse à un joueur. Bon, ça m'arrache un peu de vous donner son nom. Ah. Il s'appelle Coxis. Coxis. Il a un nom de cul, quoi, pour jouer au Paris, c'est relou. Et un petit nouveau là qui a démarré ce week-end et qui a marqué, c'est Jallet. J'allais, mais c'est pas un petit nouveau, il était à Lorient. J'avais jamais entendu. Oui, au PSG je veux dire. Ah oui, ouais, mais petit nouveau, c'est parce qu'il a 27 ans, il est lorientais, c'est vrai qu'il était pas très médiatisé comme mec. Hein. C'est pas le genre de mec qui va aller en équipe de France, mais bon c'est pas grave. Saran ! Quoi ? Bah réveille-toi ! Bah je suis là, je me pète non, un non, bouton. Mais j'étais là. Parce qu'ils ont mis, ils ont rajouté 27 c'est écrans rude. Et alors, regardez les écrans. Les non, écrans pas du tout, j'ai tous les mêmes. Il y a un petit nouveau qui s'appelle Coxis qui va arriver, voilà. Ouais, ouais, t'as fait le mélange de deux phrases, quoi. T'es pas fait chier. On s'en fout, c'est, enfin, tu parles de... On s'en fout, c'est du foot. Hey. Ouais, voilà. Et puis Coxis et Paris Saint-Germain, je trouve ça va bien ensemble. Ouais. Sinon, les Stéphanois aussi qui ont fait un super match dans ce magnifique début de saison. Zéro magnifique. Magnifique. J'ai eu de la mort, tu m'es descendu en même temps, ça va. J'ai magnifique. C'est un peu le quart d'heure crado, excusez-nous. Ouais, ouais, ouais, ouais. Tu perds ses boutons. C'est bon là. Donc ouais, magnifique début de saison, 0 points, 0 match gagné et que des valises. Hein. Presque. T'as appris à nouveau mot, c'est vacances. Non, parce que oui, il a écouté Sakomano tout l'été. Bah, il dit pas ça. J'en sais rien, je crois que j'écoute pas Sakomano. Bon bah alors comment tu peux savoir que c'est ça? C'est non pas mais vrai. Laissez-le, il a envie de participer. C'est vrai. Donc des supporters qui jouent pas au Sudoku, des supporters qui ont même pas attendu d'être en Ligue 2 ou en tout cas à la dernière journée pour envahir le terrain. Après le match, c'est 200 supporters qui sont montés sur la pelouse en pointant les dirigeants du doigt. Et on a pu voir aussi sur les images que le doigt d'honneur sert aussi à désigner des gens, même quand tu es loin d'eux. Et Alain Perrin après le match. Non, Perrin. D'accord. Qui parle d'une occasion que ces joueurs ont eue, mais qui n'est pas rentrée. Écoutez bien, on en a parlé en début d'émission. Selon lui, les poteaux de Geoffroy Guichard font des bruits un peu bizarres. Donc effectivement, les joueurs n'ont pas été récompensés par leurs efforts. Et puis, manque de réussite à l'image du poteau. Donc un premier tir au but qui fait tilt. Bon, Thierry qui parle du flipper. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler, hein. Voilà, il faut continuer à travailler, ça c'est une chose. C'est travailler le bruitage surtout, hein, parce que c'est pas très bon en ce moment. Ouais, j'ai touché un ballon, ça fait ploc. Il y a l'entraîneur des Lensois aussi, Jean-Guy Wallem, qui était content après la victoire 2-1 de son équipe à Grenoble, qui a déclaré c'est important de prendre 3 points. Bah oui. De la part de Jean-Guy Wallem, c'est surtout important qu'il change de prénom. Et de coiffeur aussi. Jean-Guy. Ah, vous avez jamais vu sa tête? C'est non. Jésus, mais en blond, quoi. Jésus, ah, bah, c'est top, quoi. Ouais, non, Jean-Guy Wallet, il y a encore autre chose, quoi. D'accord. Donc, il y a eu des buts dans tous les sens. Aucun 0-0 depuis le début du championnat, c'est exceptionnel. Faut remonter à 1967, dernière fois que c'est arrivé. Et c'est Saint-Etienne qui a fini champion cette année, comme quoi tout peut arriver. Ouais, ça c'est sûr, effectivement. Bon, c'est tout pour la Ligue 1 Pour la Ligue 1, ouais, mais pas pour Cristiano Ronaldo. Ah. En fait, il y a sa meuf, là, vous vous rappelez, Nerea Gallardo. Ouais, Nereda Gallardo. Elle a participé à une émission de télé espagnole qui s'appelle Donde Está el Corazón. Où se trouve le cœur. C'est horrible comme nom d'émission. Elle a pris 60 000 euros pour raconter. Il se prend, je cite, hein, il se prend pour un dieu au lit, mais il ne l'est pas. Quand moi j'arrive à avoir 3 ou 4 orgasmes, lui s'endort après le premier. Donc elle a aussi parlé de ses sous-vêtements. Et elle, là, elle l'a bien affiché parce que c'est des sous-vêtements en forme de tête d'éléphant. Ah oui, il plaçait son membre sur le visage de l'éléphant et n'arrivait pas à remplir la trompe. Oh là là. Oh, le truc bien glamour. Et si ça intéresse quelqu'un, il y a Cristiano Ronaldo qui vend sa maison à Manchester, 6 millions d'euros. Bah vas-y, on. Ouais, je vais faire un... Surtout à Manchester, mec. Faut vraiment avoir envie, quoi. C'est clair. Il y a que des fouteux, hein, pour la racheter. Il y a Tevez qui est parti à Manchester City, Adebayor qui est parti au même club, et Salgado, l'ancien du Real, qui est à Blackburn, voilà. Et il y a aussi le joueur du Barça, Dani Alves, qui vient de se faire opérer pour se faire recoller les oreilles. Ah, putain. Parce qu'il y a les oreilles décollées. Il était appelé le Danny Boone du Nou Camp à Barcelone. Sérieux? Non, bah non, c'est pas vrai. Danny Boone, il est pas connu en Espagne. Danny Bolas. On avait pas de news des Beckham, alors? Si, ça y est, Victoria a décidé de ne plus avoir d'enfants. Alléluia. Merci pour la procréation. Donc vous savez ce que c'est, 3 enfants de Victoria Beckham? Non. Une botte de Wings. Oh, qui est naze. Ah, elle a marché. Ouais. J'en avais une autre au cas où elle marchait pas, celle-là. Ah, vas-y, fais l'autre alors. Victoria Beckham toute nue, c'est un plat portugais. C'est un os à poil. Encore des vannes communautaires. Ah si, je préfère la spéciale. Vous verrez ça avec mon avocat. Eh non, putain, j'ai même pas fait gaffe de l'aspect communautaire à poil. Non, ouais, elle est nue. C'est ça. Elle est à poil, elle est nue. Bon, allez, c'est tout pour le foot. Il y a un message qui dit: Roux, reste avec ton PSG de merde, inculte. OM Bordeaux se joue au Vélodrome dimanche, trou du cul. Ouais, ouais, c'est Atom 84. Au Vélodrome? Ouais. C'est pas possible, c'était les 5 premières journées. Ah. Parce que Deschamps, il avait menacé de pas jouer le match si ça se faisait pas. Ah bon, bah voilà. Donc, de toute façon, il est entraîneur, donc. A priori, ça va. Il joue pas. Ça va. Et voilà, c'est ça, ouais. Question pour une réponse avec Emma et Julien qui sont là tous les deux. Bonsoir, comment allez-vous? Ah oui. Salut, ça va? La première. Ça va, Julien, et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tranquille. Julien, 16 ans donc du 69, et Emma, 22 ans du 67. Ça va, Emma, t'es là? Oui, ça va. Oui, très bien. Bon alors, Emma, Julien, vous allez donc jouer. Question pour une réponse maintenant. Hein. On a relancé le jeu ce soir puisque c'est notre première, donc on se dérouille un petit peu, hein, tout doucement mais sûrement. Ça va bien se passer. Et Emma, tu veux jouer avec qui dans l'équipe? Jack. Avec Jack, d'accord. Bah, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et puis Julien, tu veux jouer avec qui? Avec Toff, d'accord. Qui est la prochaine fois sera la bonne, c'est sûr. Ouais, bah déjà t'es pessimiste, hein, Julien. Hein, c'est-à-dire qu'on a même pas encore commencé à jouer, donc bon. Bon, et bah Julien, nous allons maintenant jouer à question pour une. Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Attention, ça va commencer. On monte le son. Voilà, question pour une réponse, c'est parti, ça va plus que commencer maintenant puisque ça y est, on est dedans là. Tu vas donc jouer, Emma, avec Jack, c'est bien ça, hein? Oui. Et donc Julien qui va jouer avec Toff. Et c'est dommage parce que Sandro est déçu, elle voulait s'attendre à jouer pour la première, mais elle avait envie de... J'avais envie de faire perdre quelqu'un ce soir et... Non, Julien, t'as déjà pris Toff. Mais bon, ce candidat, redoutable. C'est pas grave, tu sais, Julien. Ça fait partie des règles que nous avons modifiées cette année. Une fois qu'on le dit, qu'on dit quelque chose, on ne change pas. Ah, il est diabolique ce jeu. Ouais, je sais. Bon, on y va. Emma, Julien, je vous rappelle le concept du jeu. Hein. C'est comme question pour un champion, pardon. Je vous pose une longue question et puis le premier qui a la réponse donne son nom bien fort. D'accord. Question. Ok, donc question pour la réponse qui devrait très très bien se passer puisque le roux a la baptise. Ah, il l'a pété. Oh, tu me casses les couilles. Non, mais t'es la baptisée, c'était très bien. Oui. Bah oui, t'avais pas besoin de rajouter l'autre mot. Ouais. Bon, allez, on y va. Emma, Julien, vous êtes prêts? Prête. Tu joues pas, Sandro. Ah oui, c'est vrai. Attention. Top. Je suis un moment important dans la vie des gens. Je ne suis ni la naissance, ni la mort, et encore moins votre première relation sexuelle. N'en déplaise à Toff. Au 19e siècle, je suis une valeur essentiellement aristocratique et bourgeoise. C'est le temps où les riches ne font rien pendant ce temps-là. Les pauvres continuent de travailler. Je suis présent dans le monde entier, mais nous n'avons pas la même longueur. À Hong Kong, Singapour et Taïwan. Le chômage. Non, je dure 7 jours. Aux États-Unis, cela peut varier entre 14 et 21. Et en France, c'est le pays où je dure le plus longtemps avec 5 semaines. Les vacances. Les vacances, bonne réponse. Ah merde. T'allais dire quoi, Julien? T'allais dire le mariage. Non, bah non, bah heureusement. Je dure 7 jours. Toff l'a dit en premier, ce qui fait quand même gagner le point. Ils ont que 7 jours, les Américains? Non, c'était à ne rien écouter. C'est Hong Kong, Singapour et Taïwan. C'est 7 jours. Aux États-Unis, ça peut aller entre 14 et 21. Ah. Et ailleurs, en France, Belgique, tout ça, c'est 5 semaines. Bon, moment de bonheur pour les uns, je peux être un enfer pour certains. On m'attend toute l'année, je suis de courte durée, mais rassurez-vous, je reviens tous les ans. Je suis donc effectivement les vacances. C'est trop difficile. Oui, bah oui. Bon, deuxième question, vous êtes prêts? Prête. 1-0 pour Julien. Emma, vas-y, hein, dès que t'as une idée, n'hésite pas à balancer. Ouais. Attention. Top. Mon nom vient du latin qui signifie pépinière. À la base, je suis un établissement d'enseignement supérieur destiné à former des prêtres. Il fut une époque où Toff voulait étudier la liturgie, la théologie, afin de devenir prêtre, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et il voulait rentrer dans les ordres jusqu'à ce qu'il rencontre l'amour. De nos jours, je suis aussi une réunion de travail intellectuel en petit groupe. Oui. Le séminaire. Tu as dit quoi, Amélie? Le séminaire. C'est ça, Amélie? Oui. Ah ouais, parce que comme c'est marqué Emma dans le standard, c'est pour ça que je... Non, non, c'est Emma. Y'a pas de mal. Cette histoire là. Rien, t'as voulu changer de prénom et, et tu t'es lousé quoi. Hein? C'est ça? Oui. Non mais... Oui. Ouais, te casse pas, on a compris. Bon, bonne réponse, effectivement, ça fait un partout. De nos jours, je suis aussi une réunion de travail intellectuel en petit groupe. Non, c'est parce que j'avais déjà lu la phrase. Non, je ne suis pas une partouze dans ma version non religieuse. Je suis né dans le monde universitaire. J'ai été repris pour donner du prestige à toutes sortes de réunions commerciales ou professionnelles. Au cinéma, je suis le sous-titre de Caméra Café. Ces réunions se déroulent souvent dans des lieux touristiques à l'étranger ou dans des stations de sport. Je suis un moyen déguisé pour partir en vacances aux frais de l'entreprise. Je suis appelé team building pour motiver des salariés en les faisant participer à des activités sous forme de challenge. Je suis égal. Parce que le roux s'énervait, non, c'est fini. Le séminaire. Attends, bon, par contre, on peut revenir sur cette information. C'est sympa, il y a des questions faciles, mais il y en a qui sont pas faisables. Oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as failli devenir curé, Toff? Sinon, ou. Mais si! Ça aurait pu être possible. C'est sur Wikipédia. Bon, allez, dernière question, vous êtes prêts? Un partout, attention. Oh, c'est chaud là. Oui, tendu. Bon, alors attention, Emma, Julien, vous êtes prêts? Ah non, Amélie, pardon. Oh, on va se calmer là. On y va, attention. Top. Je suis un gâteau et pas n'importe lequel. Je ne suis pas une vulgaire tarte à la crème ou une religieuse et encore moins un gâteau au yaourt. Ouais. Un baba au rhum. Non. Je vois déjà que Sandro salive rien que d'entendre le mot gâteau. Jack. Oui. Un brownie. Non. Je suis un petit gâteau individuel s'appartenant aux madeleines, mais je ne suis pas une madeleine. J'aurais pu être une madeleine, mais je ne suis pas une madeleine. Oui, j'ai bien. Un tiramisu. Non. D'origine anglaise, je suis très répandu dans les pays anglo-saxons. Je sais pas qui est là. Cookies. Non, malheureusement, il n'y a pas d'Emma qui participe à ce jeu. En règle générale, je suis sucré. En France, on me trouve généralement au chocolat avec des pépites de chocolat ou chocolat nature. Amélie. Cookies. Non. C'est pas dur. Chocolat nature avec des pépites de chocolat, oui. Un muffin. Oui, bonne réponse. Mais il existe de nombreuses autres variétés. Banane, framboise, orange, vanille, myrtille, bleuet au Québec, par exemple. Si j'ai utilisé plusieurs fois le mot chocolat, c'était pour voir si je pouvais faire jouir Sandro, pardon. J'existe aussi en version salée, ressemblant à des sortes de petites crêpes très épaisse, faite à partir de pâtes levées. Mais je reste un gâteau, je suis fait avec de la farine complète. Je suis donc un muffin. Bonne je réponse vois bien, pour Jack. Vous êtes déçu. Moi, je fais le malin, mais c'est facile quand on a des bonnes réponses. C'est ça, Julien. Et donc, ce qui fait gagner Amélie. Donc, bravo Amélie. Oui. Bien joué, alors, bravo. La question, c'est pourquoi voulais-tu changer de prénom? Parce que Emma, c'est mon... Parce que quoi? C'est mon deuxième prénom et je le préfère. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Une vieux vice pourri. Oh, ce gros mytho. Oh là là là là là là là là là là là. En même temps, on s'en fout, t'as perdu, non? Non, elle a gagné. Ah, elle a gagné, celle-ci. Ah, c'est, donc oui, ça pose un problème. Oh là là, parce oh, que j'ai adoré. Si on voit eh, juste Emma, pour ça, faut qu'elle gagne. Emma, machin chouette, tu vois, ça n'arrivera pas. Amélie. Oui. Je t'offre un cadeau supplémentaire si tu m'envoies une copie de ta carte d'identité où il est marqué Amélie Emma ou Emma. Ça Amélie. Marche. D'accord. Non. Ah. Ça marche. Si ça marche. Ouais. Bon, Micha. Que ce comment t'allais l'appeler, Boob? Quoi? Bouffon. Eh, hey, bouffon. Oh non. Elle aura un deuxième cadeau si elle envoie une copie de sa carte d'identité où il y a marqué Emma Amélie ou Amélie Emma. C'est soit compliqué dit... là, non? Ah non, c'est simple, Micha. Ah oui, mon bobo. Ah bah oui, mais... Je peux dire que je ne suivais pas l'émission. Ah bon? Hein? J'étais en train d'écouter notre radio, là. En plus, pas... le standard est en panne. Je veux pas tout non, faire. Non, mais le standard est en panne, là. J'essaye de le réparer, là. Ouais, bah non, c'est y aura ça. Pas de polo chaud. Des auditeurs pour une autre émission. Bon, Amélie, c'est gagné. Julia, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ouais, ouais. Salut à vous deux, à bientôt. Salut. Ciao, bye bye. Oh, ils sont au taquet derrière. Ah, bon. Ils vont être vénères parce qu'il t'aura raccroché avant. C'est vrai. Retour du question pour une réponse demain dès 21h. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Voilà, question pour une réponse qui revient demain dès 21h. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, 6-11-12, débutez le message par Mickaël avec prénom, âge et numéro de téléphone. Et puis sur mickaël.fm également, je rappelle que vous pouvez venir hein, sur le fanbook. Vous tapez facebook.com, puis vous tapez Mickaël espace énergie. Ou alors plus simple, vous allez sur mickaël.fm et vous allez dans la communauté et vous cliquerez sur Facebook, c'est encore plus facile. Bon, on aura le polo show aussi dans quelques instants. Et puis, Monsieur X, The Comeback of Mr. X. juste un petit détail. Monsieur X, vous avez testé votre micro, ça fait longtemps. Hein. Ah, bon, bah très bien, parfait, ça a l'air de bien marcher. Tout va bien, tout va bien. Bon, bah je pensais que vous vouliez plus venir, X. Alors, comment ça se fait que vous êtes de retour, là? Bah, il y a que les imbéciles comme vos acolytes qui ne changent pas d'avis. Les imbéciles comme vos acolytes, ouais. Acolytes. Voilà, c'est ça. Enfin, l'imbécile, en tout cas, c'est surtout celui qui nous fait croire depuis 2 ans qu'il va refaire de la télé avec Julien Courbet. Oui, c'est vrai. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas en parler, mais vous verrez quand je serai devenu la star de France 2. Ouais, bah on verra ça. Hein. Bon, bah, j'espère que vous n'êtes pas trop pressé quand même. Hein, vous n'êtes pas trop pressé? Bon, on lui prend pas la tête, Mike. Ouais, bon, allez, c'est bon. Allez, vas-y. Il va encore se bon, Monsieur X, vous avez passé de bonnes vacances? Oui, très très très bonne. J'ai fait énormément de sport hein, depuis que j'ai découvert l'haltérophilie sexuelle. Vous avez découvert quoi? Ah ben, vous connaissez pas, c'est très simple en fait. Hein. Avant, je ne soulevais que des petits culs et je ne faisais aucun effort. Mais depuis que je suis haltérophile sexuelle, 3 fois par semaine, je me soulève une meuf qui fait au moins 2 fois mon poids. Enfin, Monsieur X, c'est horrible. Qu'est-ce que ça une veut meuf dire? Qui fait au moins 2 fois mon poids, Monsieur X, vous faites pas moins de 60 kilos. C'est ça quoi? Ah non, c'est pour ça que donc il faut au moins qu'elle fasse, au moins 180. Il donne la chance à tout le monde. Ah, ouais, t'es mauvais en calcul. 120, sort de ce corps. Enfin, ça reste horrible quand même. Non, enfin, attendez, bon. Si elles font 2 fois mon poids, je fais 90 kilos, elles doivent faire au moins 180. Je pense que je sais compter quand même. Oui, enfin bon, bref, et alors quoi, c'est dégueulasse. Non, c'est un échange de services. Grâce à moi, ces malheureuses peuvent enfin avoir la couleur d'un gland qu'elles n'ont pas vu depuis tellement longtemps. C'est pas vrai, hein, Monsieur X, vous savez, elles excitent beaucoup d'hommes. Les grosses? Ah non, bah non. Oui, les non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Et bon, donc depuis le temps qu'elles ne se sont pas fait ramener la cheminée, je suis un peu comme le Moïse qui a fendu la mer en deux pour trouver la terre. C'est horrible. Pour trouver la terre promise, et bien moi, je fends la graisse en deux pour trouver la chatte promise. Qu'est-ce qu'il est con, alors? Ça fait rire. Et hop, 2 kilos de perdu en 2 mois. Vous êtes vraiment dégoûtant. Vous êtes vraiment dégoûtant. Bon, alors vous êtes parti où, X? Bah, la pêche aux roses, je viens de vous le dire. Non, oui, ça va, on avait compris, oh là là. Bon, vous êtes parti en quel coin du monde? Ah bah, j'ai pas eu le choix, hein. Comme la pêche au thon est fermée en Europe, bah, je suis parti aux États-Unis. Hein. Et bon, j'ai pas été déçu là-bas, hein. C'est le paradis de la grosse, hein. Il y en a à tous les coins de rue. Bah, du coup, j'avais pas trop de mal à faire mon nouveau sport, hein. Mais bon, pour trouver une bonne petite chienne qui jouit au premier coup de gourdin, c'est beaucoup plus compliqué là-bas. Oh là là, Bon, ça suffit, Monsieur X, là. Vous allez nous parler de quoi, ce soir, là? Bah, comme les vacances sont finies, il est important de savoir rompre avec son amour de vacances. Hmm, ouais, ouais, mais pourquoi on peut pas rester avec? Bah non, sinon ça serait pas un amour de vacances. Hein. Vous l'avez prise parce que bon, elle était assez naïve pour croire que vous vous intéressiez à elle pour autre chose que vous vider les couilles pendant vos vacances, mais Mais franchement, pendant que vous la preniez à quatre pattes et qu'elle hurlait votre prénom comme une truie qu'on égorge. Il rigole lui-même, c'est gratuit, il est con alors. Qu'on égorge, vous savez bien que ça n'irait pas plus loin que la porte du camping. Bah non, il y a des amours qui durent après les vacances. Oui, oui, bon, quand la cochonne du camping est assez con que pour vous rejoindre là où vous êtes. Et là après vous êtes dans la merde parce que bon faut faire avec la morue que vous avez remonté quoi. Bah je suis pas d'accord. C'est horrible. Oui. C'est horrible et pourquoi. Non mais en fait j'essaie de comprendre pourquoi tu remplaces pas ces mots là par des mots normaux. C'est genre femme. À la place de morue tu vois par exemple. Bah, parce que c'est pareil, c'est la même chose, c'est pour utiliser synonyme après le texte. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais, on a, oui c'est synonyme mais depuis le début t'as pas utilisé une seule fois le mot femme. Synonyme de rien du tout. Je vérifierai ça, je m'en écouterai. C'est ça, ouais. Bon, bref, tout ça pour vous dire que je suis pas d'accord avec votre théorie à la con. Oui, je sais bien, vous n'êtes jamais d'accord. Mais bon, pour ceux qui sont dans ce cas, hein, je vais vous donner quelques techniques pour ne pas vous encombrer votre rentrée avec une greluche qui va vous parler d'amour, qui va déjà vous parler d'amour, alors que, bon, pour vous, c'était juste un vide-couille d'été, quoi. Mais je peux pas vous laisser dire ça, monsieur X, vous êtes sur Alice quand même. Alors, c'est que vous ne pouvez pas ou c'est que vous ne voulez pas ouvrir les yeux sur la réalité des vacances d'été. C'est ça. Combien de mecs se retrouvent en laisse après une nuit à avoir un peu trop bu au bar du club de vacances? Parce qu'on parle des mecs qui saoulent les filles pour arriver à leur fin. Mais on ne parle pas assez des filles désespérées qui bourrent les hommes juste pour se faire déglinguer au moins une fois dans l'année. Parce que ça existe, ça, monsieur. Oui, ouais, c'est ça. Bon, continuez, monsieur X. Donc... Pour vous débarrasser de votre pouf d'été, il y a trois méthodes. Bon, voilà qu'il y a des méthodes maintenant. Oui, alors la première ne marche que si elle habite loin. Hein. Hein, c'est de ne plus donner signe de vie, vous ne répondez plus à ses messages et ses appels. Hein. Il faut savoir que dans cette méthode, plus elle est blonde, plus elle mettra du temps à comprendre que vous ne répondez plus. Parce que vous n'avez plus rien à foutre de l'entendre, parce qu'elle est beaucoup trop loin pour venir vous dégorger de poireaux. C'est ça. Bon, et si on l'a quand même au téléphone ou sur Facebook par exemple, et que je sais pas, moi, on peut faire comme si on avait perçu le message. Eh bien, il faut passer au plan B, l'infection, qui consiste à lui dire qu'à cause de cette grosse pute de traînée qui est passée sur toutes les queues de l'hôtel... Pourquoi vous pouvez pas appeler, donner un mot normal? C'est dégueulasse. Donc, même, vous avez choqué le rouge, enfin, il faut y aller pourtant. Hein. Donc, Monsieur X est là plus que jamais ce soir. Ah oui, on sent que ça fait un mois et demi qu'il est en vacances. Hein. Signe son grand retour, la vulgarité lui a manqué. Ah, c'est sûr. La gratuité aussi. Quelle horreur. Donc je disais donc qu'il est passé sur... Il sait alors toujours, X, on va pas y passer la nuit. Je suis perturbé le... C'est vous qui nous perturbez, monsieur X, ce soir. Donc, oui, vous allez nous mettre dans la merde de la première. Et donc vous avez chopé une infection horrible sur le gland. Normalement, rien qu'à l'idée de savoir que vous êtes porteur d'une maladie infectieuse, il lui passera l'envie de revenir vous sucer la bite. D'accord. Ouais, bon. Et si elle veut jouer les infirmières? Eh bien, il sera temps de lui avouer que vous avez une vie de famille et que malheureusement, vous êtes déjà attaché à une grosse à la maison et que bon, vous ne pouvez pas vous encombrer une deuxième. Mais alors, il y a juste une question, monsieur X, avec le respect que je ne vous dois pas. Pourquoi ne pas lui dire la vérité? C'est évident. Pour qu'elle ne puisse pas s'accrocher à vous. Les meufs, c'est pas pour rien qu'elles ont une chatte. C'est parce que elles sont comme l'animal. Vous les nourrissez une fois... vous nourrissez une fois une chatte, eh bien elle revient toujours vous lécher la bite. Bon monsieur X, ça suffit, on va pas vous laisser partir. Oh là là, on va vous laisser partir plutôt. On va pas vous déranger plus longtemps, ça je voulais dire monsieur X. Hein. Parce que je vous ai pas dit comment j'ai démonté cette salope de blondasse derrière non, le bar. Non, ça va aller, monsieur X, ça va aller, ça va aller. Je vais quand même monter la chatte en cocktail. Ça va aller, monsieur X. On verra si vous revenez la semaine prochaine, c'est pas gagné. La chatte en cocktail. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. C'est ma première expérience avec une femme à barbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourtant, on en regarde des films crado, des films de cul dégueulasses. Qu'est-ce que ça veut dire monter la chatte en cocktail? Mais ça, c'est dégueu. Quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais t'as peut-être mal compris, non? Je sais pas. C'est mettre une crevette. Est-ce que j'ai mal compris, monsieur X? Oui, oui, non, t'as très bien compris. C'est parfait. Au revoir, monsieur X. Hein. Bonsoir, ouais. À la semaine prochaine. Peut-être pas. Ou pas, hein, on va voir. Tu vois, t'as fait le quota du CSA pour 2 ans. Là. Voilà, allez, c'est une bonne chose de faite maintenant, hein, très bien. Non mais même le roux a été choqué. Ouais, ça me choque un peu. C'est ça qui m'a... Non, ça me choque pas. Ah si. Ça me fait mal à l'oreille. Ça te fait de la peine. Ouais, ça me fait mal à l'oreille. Ça te dérange l'oreille. Ça te fait de la peine. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut pas laisser des gens parler des meufs comme ça, quoi. Oui, non, c'est vrai, effectivement. D'ailleurs, Monsieur X s'engagera la semaine prochaine à s'excuser, je pense. Ouais, mais moi, je m'en fous. Hein. C'était histoire de dire quelque chose pour pas le crédibiliser, c'est tout. Pour pas le crédibiliser? Ouais. Décrédibilité. Non, non, crédibilité. Ah, oui, d'accord, j'ai compris. Ah oui, pour le pas le. Le je veux pas le rendre crédible. Il voulait pas quoi. Se mouiller dans l'histoire, quoi. Il voulait pas, il voulait montrer qu'il n'était pas d'accord voilà, avec alors. Les propos voilà. qui étaient tenus par Exactement. Monsieur X. Très bien, très bien, très bien. Merci. Je me balade avec ma traductrice. Ouais, ton assistante. Il y a une feuille à signer aussi pour. Jaune. La pétition. La pétition. Oui, moi aussi, je vais signer. Toi aussi, t'es contre. T'es contre Monsieur X. Monsieur X est parti. Hein. Oui, évidemment, monsieur X. J'attendais une réponse de monsieur X, ouais, mais en fait, ça, non. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, petit son US qu'on mettra. Donc tout à l'heure, je vous l'avais dit, on se mettra la zig de Billy Talent. C'est le son que je vous avais fait découvrir juste avant de partir en vacances. Ça, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que l'émission qu'on a fait juste avant de partir en vacances, je l'ai faite hier. Ouais, bah moi aussi, il fallait aussi, qu'on parle d'ailleurs. C'est ouf, il ne s'est rien passé. Pendant ah, les... si, non mais il s'est passé plein de trucs mais c'était super vite. J'ai l'impression de pas être parti en vacances. Ouais. Putain, moi je me rappelle d'une semaine longue. Hein. C'est quoi, comment ça se passe si on a des symptômes de grippe A, on reste chez nous? Non, tu viens avec un masque. Non, mais non, c'est trop dangereux ça. Bon, c'est pas grave. On s'en remettra. Micha, vous passez les appels personnels, j'entends la sonnerie jusqu'ici. Ah bah oui, mais enfin bon, écoutez. Non, c'est Tof qui appelle. Ah oui, non, c'est Tof qui tout passe suite, à... hein. Quoi ouais, tout de suite c'est barré. Tout de suite c'est moi, on entend un bruit, c'est moi. Oui, voilà. tout de suite, accuser le standardiste. Mais on t'accuse de toute façon toujours toi en premier parce que t'es grand, c'est bien connu. Ouais. Il est grand. Ouais. Exactement. Bon, allez, Piwalo. Ouais. Oh, cette voix qui vient de... Quelle horreur, qui vient d'une guerre sur les ondes. Ah, je sais que les gens m'attendent avec impatience. Oh là là. Je n'ai pas fait ronfler, hein. Je tiens à préciser... Oui, enfin bon... Non, oui, je ronfle, et oui, un homme ronfle. C'est vrai. C'est comme ça. Bon, et puis pour cette nouvelle saison de Polo Show, j'ai décidé de revenir aux bases. Aux bases. Non, c'est vrai, parce qu'on s'était trop écarté à certains moments. Trop. Et je pense qu'il faut revenir aux bases. Ouais. Piwalo, well, c'est parti. On y va. What's up, what's up? Hey, what's up, this is the Black Eyed Peas. And you're watching the boop, boop, boop, polo, boop, boop, boop, polo, boop, boop, boop, yeah. Oui. Boop, boop, boop, yes. Polo, yo. Bienvenue dans ce premier polo show de l'année. Ce je suis premier nouveau, ce premier nouveau. On sait même pas ce qu'il raconte, il est bourré ou quoi? Mais non, je ne bois pas, ça suffit, je ne bois que de l'eau claire. C'est ou ça. Du jus d'orange. Non, je tiens, bonjour à tous, hein. Le public est là. Salut, ouais. Quelle horreur. On a pour public... ça j'aurais fait marche arrière mais je serais pas venu moi. On a le public qu'on mérite. On m'a dit beaucoup de choses ces derniers temps, on m'a dit qu'il faut remodeler le polo show, qu'il fallait changer certains trucs, modifier des trucs. Donc j'ai réfléchi à plusieurs titres et je voulais appeler le polo show, je voulais l'appeler Polo et sa fanfare. Mais malheureusement je n'avais pas de fanfare. Donc je me suis dit bon je vais quand même garder le polo show. Ensuite je me suis dit que j'allais remercier les auditeurs pour j'allais les remercier pour tout ce qu'ils m'apportent et tout. Puis je me dis attends, à un moment donné faut pas déconner quoi. C'est moi qui me fais chier à rester jusqu'à minuit 11 pour faire cette émission, hein. Donc c'est à eux de me remercier. N'est-ce pas public adoré? Donc pour ce nouveau polo show, cette nouvelle saison, n'hésitez surtout pas à m'appeler au numéro de téléphone que je connais pas. 0870 42 48. Non parce qu'il y a personne au standard. C'est pas... Oui, mais j'ai pas droit à un standardiste. Donc n'hésitez surtout pas à appeler pour participer au polo show. Je vois que le standard est déjà blindé. Je vois que je fais. Ouais, Va chez l'opticien parce qu'il y a un problème. Ah non, c'est toi qui as un problème. Ah bon. Le mien est blindé. Le tien est peut-être vide, mais ça c'est aussi c'est ça. Hein. Il y a les stars et les autres. Écoute un peu de pub et on se retrouve juste après. Vous rêvez toutes de devenir la petite amie d'une star. Si toi aussi tu veux connaître tes chances de sortir avec Silvio Berlusconi, envoie Age au 15-16-17. Age au 15-16-17 et tu reçois par SMS les probabilités d'être invité par Silvio dans sa villa en Sardaigne. Age au 15-16-17, plus tu es jeune, plus tu as de chance. Wir sind Aloha from Hell. Und ihr hört die J'adore. Once again. L'allemand m'excite, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ça m'excite, une fille qui parle en allemand comme ça, j'ai l'impression de me retrouver dans des contrées lointaines. Oui, et le hollandais aussi, t'aimes bien. J'aime beaucoup. Non mais c'est vrai, tout le monde me dit que c'est horrible, mais moi ça m'excite. Mais c'est horrible. Ça, moi ça me plaît, une fille qui parle hollandais avec ce ha. J'ai une vraie métard. Oui mais dommage, t'es pas une fille. Donc on va commencer avec Hervé, serveur à Paris et supporter d'une équipe de foot. Hervé, je t'écoute. Eh, allô? Ouais. Et accessoirement, je suis de l'Acre, je suis l'Ouest. D'accord. Voilà, j'ai lu... Tu fais du Wake à deux Acres, c'est ça que t'as dit? je suis de Dax. Tu connais pas Dax? Non, je connais pas. Vas-y, allez vite. Oui, j'ai eu Jérôme Rotten, hein, tu sais, Jérôme Rotten, la blondasse, la blondasse du PSG. J'ai eu été dans le flou. Et il y a qu'à mettre des lunettes, quoi, je vais me faire chier là. Je comprends rien du tout. Gilles-Louis. Oui, comment tu vas? Bien, Gilles-Louis. Oui, les vacances s'est bien passé. Parfait, et toi, Gilles-Louis? Très bien, très bien. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Gilles-Louis qui est monsieur, en fait, monsieur Zamboromboro. Non, mais je vais recadrer parce que les gens ne savent pas forcément qui vous êtes. Monsieur Zamboromboro, professeur. Professeur d'arithmétique au lycée Breval, Montréal. Voilà, donc voilà. C'est un prénom composé qui vient d'Europe occidentale. Voilà, Gilles-Louis, c'est un prénom. Bon, qu'est-ce que tu veux, Gilles-Louis? Mais écoute, je voulais te raconter les vacances dans mon second pays d'adoption, puisque j'ai passé toute ma vie là-bas, dans la Suisse. D'accord. C'était en Suisse, voilà, il y avait des vaches, du pré, c'était très sympa. La nature, j'ai communiqué avec les arbres. Ouais. C'était très sympa. Bon, bah merci, voilà. Gilles-Louis. Oui, mais je reviens. Ah oui, bah tu vas suivre. Ah, tu m'écoutes pas tout de suite, hein. Bah non, pas du tout. Georgina de Hololoulou. Allô, Polo? Oui, Georgina. Ah, je suis content, je te réentends. T'as un nom bizarre, hein. Oui, enfin, une voix bizarre, surtout. Oui, oui, oui, je sais, c'est la grippe, je suis un peu malade. En fait, c'est ce coup-là, tu m'as oublié, on s'est rencontrés dans les clubs de striptease. Ah non, je ne suis pas parti dans des clubs de striptease. Et je t'ai laissé mon numéro, pourtant. C'est faux. Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas appelé. Je tiens à préciser, à Honolulu, je n'ai pas mis les pieds dans un seul club de striptease. Alors casse-toi, Jean-Jacques qui était au Maroc. Ouais, Jean-Jacques de Calais, charpentier, menuisier, électricien. Jean-Jacques. Ouais. Je t'écoute. Ouais, c'était juste pour dire, j'appelle pour passer un coup de galache. Vas-y. Tu vois. Tu te rends compte quand même que j'ai fait Djerba. Ouais. J'ai fait Tulis. Ouais. J'ai fait Ouarzazate. J'ai fait Alochema. Ouais. Et il y avait la plage. Ouais. Et à Marrakech j'y vais. Et il n'y a pas la plage. Putain, Jean-Jacques, c'est pas possible. Je te jure, pourtant j'ai acheté une babouche, une paire de babouches, ça m'a coûté 3 fois rien, je suis très content. Mais en tout cas, je suis bien content d'être parti au Maroc. Attends. Et comme ça je sais que j'y viendrai pas. Jean-Jacques, on fait ce qu'on appelle du teasing dans le jargon radiophonique, hein. On te reprend juste après pour la suite parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. D'ailleurs. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Ah, qu'il est bon de partir parfois. Je tiens à dire que le Polo Show, je suis heureux là d'être là. Ah, non, je suis content, le public est là. Ça s'entend. J'ai mon petit public, j'ai mon petit standard, j'ai mon petit Jack qui est là-bas avec sa boisson. Bonjour mon petit Polo. Oh, tu m'as manqué pendant ces vacances, mon petit Polo. Hervé. C'est la première fois en 3 ans de Polo Show que tu signales ma présence. C'est vrai, pardon. Hervé, serveur à Paris. Oui, je suis encore là. Ouais, tu es encore là. Aussi, je l'oublie, bah, le Dax. Je voulais dire, tout ça. Sinon, j'aime pas Grégory Coupé non plus. Bon, d'accord. Parfait. Pourquoi? Il y a une tête de gendarme. J'aime pas les gendarmes. D'accord. Ah, c'est quand même pas compliqué de comprendre. Bon, Hervé. Et bah, tu vas. Et allez, salut. Gilles-Louis. Oui, comment tu vas? Oui, bah, c'était pour vous raconter une petite blague. Alors, aussi. Vas-y. Bon, voilà. Alors, si deux vaches, elles sont ensuite, elles sont en train de parler ensemble. Et en fait, l'une elle lui dit à l'autre, dis-moi, tu as pas peur de la vache folle? Et l'autre elle lui dit, non, moi je m'en fous, je suis un lapin. T'as compris la vanne? T'as compris? Gilles-Louis. Oui, c'est une vanne que j'ai appris ensuite à côté de Berne. Bah, tu vas la garder pour toi, tu reviens. À côté de l'Est occidentale. Oui. Gilles-Louis, tu reviens encore une fois comme ça avec une vanne, tu es viré, d'accord? Ah, bien, excuse-moi. Hein. Allez, casse-toi. Allez, je t'aime. Hein. Allez, casse-toi. Georgina de Honolulu. Oui, mon chéri, si le problème c'est les poils, je peux m'épiler entièrement pour toi, il n'y a pas de problème. Mais t'as un problème, toi, je sais pas qui tu es, mais je n'aime pas les femmes avec des poils. Ah, mais je n'aime pas les femmes. Je ne suis pas vraiment une femme, je pensais que tu le savais aussi, ça. Bon, Georgina, qu'est-ce que tu veux exactement? C'est là que tu veux y aller. Bon, ouais, on peut faire ça, ouais, mais il faut que j'aille à Honolulu pour ça. Non, je suis venu à Paris, mais je te cherche, je sais pas où tu es. D'accord, continue à me chercher. D'accord, on va faire un jeu. Si je te trouve, je te baise. Voilà, allez, casse-toi. Où est Polo? Pour terminer, Jean-Jacques qui était au Maroc. Ouais, Jean-Jacques de Calais, charpentier, menuisier, électricien. Ouais. Alors, j'étais juste pour dire, pour gueuler, quoi, parce qu'à un moment donné, ils ont quand même un accent horrible. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis désolé, dans le Nord, on parle bien français. Oui, c'est un peu normal. Alors, j'ai acheté un DVD de Bienvenue chez Lucie pour qu'ils apprennent. Tous ces coups, ils parlent de Marois. Jean-Jacques. Quoi? En même temps, comment tu veux qu'il parle? T'es pas en France, tu vois? Non mais attends, on me dit... Tu vas à Marrakech, tu veux quoi? Eh ben on me dit tu vas au Maroc. Bah oui. Et j'ai pris la France. Et ben... Et alors, eh ben si j'ai pris la France, faut qu'il parle français à mon arrivée. Ah, mais Jean-Jacques, t'es complètement con. Ouais, oh, dis donc. Eh, hey, oh, eh, oh, oh, hey, pour oh. Qui tu te prends, toi? Eh, hey, tu vas te calmer, hein. Comment ça, je vais te calmer? T'as payé 900 euros, toi, pour aller sur une place avec un marché? Jean-Jacques. Bah rien, pas de mer. Ça suffit, allez Jean-Jacques, dehors. Pas de mer, pas de plage. Allez. Tu commences vraiment à me gonfler. Au moins, à Calais, on a la mer du Nord. Peut-être, mais fallait rester à Calais dans ce cas-là. Comment ? Fallait rester à Calais dans ce cas-là. Mais oui, mais si j'allais sur la Roche, je serais pas parti. Eh ben oui, mais faut te renseigner. Mais comment ça, faut te renseigner ? Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? 900 euros pour aller dans un pays avec des palmiers, y'a pas de plage. Ils servent à quoi, les palmiers ? Bon, Jean-Jacques, ça suffit, allez. À tracer les routes ? Bon, ça suffit, Jean-Jacques. Je vire, Jean-Jacques. Ah, de toute façon, je m'en fous. Je passe une annonce. Vas-y. Si quelqu'un a besoin dans le Calais des électriciens, je m'occupe des ampoules, des lampes halogènes. D'accord. Tout quoi. Hein. D'accord, Jean-Jacques, merci. Allez, casse-moi, c'est chef le Polo Show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car cette année, je veux aussi et finir dernier, comme tous les ans. Car c'est quand même mon ambition. Et quelle belle ambition. Voilà, je pense qu'on va de plus en plus à niveau zéro, et ça, c'est beau. Tu tends vers le nul. Voilà, c'est ça. Je tends vers le point zéro, le point nul. Et comme je l'ai dit en début de Polo Show, retour aux bases. Ouais, retour aux bases. T'as vu ? On était aux bases. Ouais, exactement. On était dans les bases. Oui, il faut retourner aux bases, effectivement. J'essaie de parler un peu comme les Jones. Hein. T'as vu toi-même, tu ouais, sais. Ouais, t'as vu, tranquille. Tac, tac. Bon, dans un instant, c'est le 6-9 qui redébarque. La rediff de ce matin, pour ceux qui n'étaient pas là justement ce matin, avec Nikos, Flo et Mustapha, que vous allez pouvoir retrouver encore à 6h, mais cette fois-ci en direct, évidemment, sur Énergie pour le 6-9. Nouvelle formule, en fait, tout simplement. Et puis, voilà, je pense qu'on a fait le tour du dos, là. Hein. Ah bah oui, on a fait le tour du dos. On a fait le tour du... Eh, mais j'avais dit qu'on se quittait avec South Park. Ah, tu veux South Park? Ouais. Ah bah ouais. Ah, très très bien. De merde, toi l'enculé, tout ça. Ah, très très bien. Allez, allez, allez. Ah, allez. Tan tan. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu poupes des bites à fessus, c'est toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton oncle toute la journée. Pom pom pom pom pom. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Tu montes vite comme si je suis l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés. Voilà, bon, il y a un petit message qui venait d'arriver justement au 612 en débutant par Mickaël qui dit un petit ferme ta gueule de merde, s'il te plaît Mickaël. Bah écoute, voilà, on a eu les mêmes idées au même moment, c'est magnifique. Bon, allez, dans un instant, le 6-9, le best-of, donc jusqu'à 3h du mat, comme promis. Et puis, puis passez une bonne nuit tout le monde, gros bisous, à demain 21h pour la deuxième de la saison. Ciao. Hey Mickaël. Mickaël, l'émission sans interdit, tous les soirs 21h minuit, et quand tu veux, en podcast sur énergie.fr.